Indestar, là où tout commence. Merci d'avoir choisi Indestar, les amis. Belle soirée à vous, c'est lundi, fait beau. J'espère aussi chez vous. Nous sommes sur Indestar un peu plus de 20h pour une nouvelle émission d'été avec toujours la chemise hawaïenne de Daniel, mais en même temps elle est là toute l'année. Comment vas-tu, Daniel? Ça va très bien, mais je précise, c'est pas toujours la même chemise. Hein. Non, bah heureusement, en tous les cas, tu la laves entre les deux. Voilà, oui, quand même. Hein. Bon, bah ça va. Alors. Ça fait penser à Joueur du Grenier. Ah oui, c'est vrai, si vous connaissez le youtubeur Joueur du Grenier. C'est exactement ce que là, je voulais dire. Là, c'est Papy Grenier. Voilà. Il est tellement gentil. Ça va bientôt être Papy Indestar, oui, à ce rythme-là. Hein. Papy Indé. Papy Indé. Pourquoi pas parler Papy Star? Ouais, pourquoi pas. Hein. On a le boulanger officiel aussi de cette émission, et l'Indestar, c'est Teddy. Salut Teddy. Oh. Ouais, c'est moi, je suis boulanger. C'est le boulanger. Alors, officiel parce que c'est le seul en même temps. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Si on fait un concours de boulangerie, en principe, tu gagnes. Ou alors, c'est que t'es vraiment mauvais. Ouais, mais non, mais je suis bon. Tu es le meilleur, évidemment. Je ne viens pas en tant que boulanger ce soir. Non. Ce soir, animateur radio, évidemment. Ah non, j'allais dire fan de manga. Mais là, fan de manga. Ouais, je viens aussi pour la radio, évidemment. Mais il y a plusieurs fans de manga dans ce studio et, et ça tombe plutôt bien parce que donc toi, t'es dit t'es fan de manga. Il y a Kevin aussi, fan de manga. Kevin, tu pratiques le manga depuis combien d'années? Le manganisme. Depuis ma naissance, on va dire. Ouais. Quel est ton manga préféré, par exemple? Non, ça se dit pas tout de suite. Ça se dit pas tout de suite. D'accord, on va réserver ça pour le cours de la soirée. On a Hermance aussi qui est fan de manga, je crois. Salut Hermance. Salut. Je sais pas si on m'entend. On t'entend, mais alors on t'entend faiblement. Je sais pas si ça. Ça vient de ta voix, ça. Oui. Sûrement. Elle a une voix douce, Hermance. Oh, c'est gentil. Bah oui, c'est celle que vous entendez quand on fait ça. La musique. Cœur de jouvence, Indestar, là où tout commence. Voilà, ça c'est Hermance. Comment vient de te détester juste pour ça. Et là je t'ai lancé un regard, mais c'était un sniper. J'ai pas vu le regard. Tu sais qu'on l'utilise tous les jours, ce truc. Ah, c'est la voix que vous entendez le plus sur Indestar, c'est celle d'Hermance. Et on l'a pas choisi au hasard parce qu'elle a une belle voix. Bah, merci, c'est gentil. Hermance, ouais, fan de manga aussi? Ouais, depuis le collège. Depuis le collège, ouais. Et quel est ton manga préféré? On a le droit de le dire pour Hermance ou pas? Pour Hermance, on peut le dire. Alors, je pense que c'est Violette Evergarden. Enfin, Violette c'est et Evergarden. D'accord. Ouais. Alors je vois l'image, mais j'ai jamais regardé. C'est du bon. Bah, il est vraiment trop bien. Est-ce que c'est disponible sur Netflix? Oui, exactement. Okay, d'accord. Anas aussi nous a rejoint dans ce fan de manga. Alors je sais pas du tout si. De quoi tu me parles? Tu connais cet univers ou pas? Ou t'es comme moi? Si, tu connais Pokémon. Je connais quelques mangas, mais pas tous. Ouais, pas tous. Bah non, attends. Je regarde pas. Non, il connaît Dragon Ball Z. C'est pas un truc que je regarde tout le temps. Dragon Ball Z? Oui, bah bien sûr. Bah voilà. Ah bon. Ça fait notre jeunesse, ça. Bah bon, ouais. Ok. Bah non, mais déjà, t'en connais plus que moi. Parce que moi, effectivement, c'était la grande période de Dragon Ball Z quand j'étais gosse. Mais il a toujours j'ai pas. J'ai jamais regardé. Voilà. Voilà. Non, il arrive pas à reconnaître Son Goku. Il me fait une tête. Si, je t'assure. Ah ouais. Bon, et alors pourquoi on parle manga ce soir et animé? Parce que Juliette est avec nous, c'est notre invitée. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Alors Juliette, toi, bah oui, grande fan de manga aussi, j'imagine. Oui, depuis toute petite. Depuis toute petite. Et tu chantes aussi notamment des openings de manga. Alors tu chantes pas que ça, mais tu aimes bien chanter des openings de manga. J'en chante quand même beaucoup. Enfin, j'en ai plus d'une centaine dans mon répertoire, je pense. Ouais. Après, je les connais pas forcément tous par cœur, hein, mais. Je suis bien dedans. Donc tu te fais des petites séances karaoké chez toi, c'est ça l'idée? Ouais, toute seule dans ma chambre, je peux passer plusieurs heures de l'après-midi à chanter pour le plus grand bonheur de ma famille. Ouais. Plusieurs heures. Alors attends, mais contextualise un petit peu, c'est quoi? C'est une maison, c'est un appartement? C'est une maison. C'est une maison, donc il y a que ta famille qui entend? Ouais. Les voisins éventuellement ou pas du tout? Non. Non. Enfin, sauf des fois, j'ouvre la fenêtre pour mes voisins. J'en fais profiter. Grâce à Indestar, on t'offre une sono 2 x 10 000 watts. Pour tout le quartier. Trop de la chance. J'ai une question. Tu nous chantes la centaine d'opening ce soir ou pas? Non. Ah, certainement pas. Zut. On va aller jusqu'au bout de la nuit. C'était l'objectif, justement. Mais en tout cas, ce soir, on va quand même profiter de ton talent, on peut le dire. Hein. Et puis, c'est la toute première fois. Évidemment, on ne peut pas te mettre la pression parce que c'est la toute première fois. Par contre, tu chantes pas de la chambre pour le coup pour venir à la radio, donc ici vous le savez hein, les amis, on est une grande famille, donc l'idée c'est de faire découvrir des nouveaux talents, que ce soit toi tu veux en faire ton métier, pas du tout, c'est quelque chose, c'est une passion, si ça devient un métier je serais contente hein, ouais. Est-ce qu'il faut que l'émission soit diffusée au Japon pour qu'ils puissent te recruter? Non. Ah. Non, parce que pas tout de suite, du moins. Ah, mais en fait, j'aurais un petit peu du mal à la traduire en japonais cette émission. Ah, c'est pour ça, d'accord. Peut-être qu'il y en a qui savent parler japonais dans le public, je ne sais pas. Sayonara. Voilà. Ça y est, on a le traducteur. Sushi. C'est bon. Non, je vais juste te dire quelques mots. On a commencé, il nous dit déjà au revoir. C'est konnichiwa. Konnichiwa, ouais, pour dire bonjour. Je sais bien, c'est juste le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Ouais, c'est le seul mot que je connais en regardant Taxi 2. Donc, non, mais c'est qu'il croyait que l'émission était déjà finie. Hein. Ouais. On a parlé de chansons, il y en a un autre qui chante de, dans l'équipe, c'est Jonathan. Salut Jonathan. Bonjour à tous. Oh, bonjour à toi tout seul. Jonathan, toi, ouais, non, toi tu rappes un petit peu. Enfin, je chante aussi. Un peu beaucoup. Oui, c'est vrai que tu chantes aussi. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu peux juste t'éloigner un chouïa de ton micro parce que du coup, okay, c'était Anas qui parlait de bois. Il le défonce. Voilà. Non, non, non, mais très bien. Comment vas-tu, Jonathan? Oh, ça va. Ça va, en pleine forme. J'ai une question pour toi, Jonathan. Ouais. Déjà, tu rappes, mais t'as déjà rappé sur du manga? Du manga, non, pas encore. Ah, t'as déjà rappé sur du fromage? Ah bon? Je sais pas. Peut-être que ça va venir un jour, mais ça va. Ok. On sait jamais. Tu veux pas essayer Pokémon, là, en rap? Un duo. Pourquoi? Pokémon, attrapez-les tous. Pokémon, alors le chanteur de Pokémon, c'est déjà un peu un mec qui fait un peu de slam, hein, de base. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est Grand Corps Malade qui a fait le générique de Pokémon, on le savait pas. Waouh. Je connais que ce slam. Mon enfance a été détruite. Je suis désolé. T'inquiète, y a pas que la tienne. Bon, comment s'est passé votre week-end à tous? Est-ce que vous avez des choses à raconter? Alors, oula, je sais que toi t'as fait. On va finir par moi alors. T'as travaillé ce week-end? Ah oui, mais j'ai pas fait que ça. Mais on a pas fait que ça. Ah tiens, raconte notre ce soir. Bon, bah on va commencer par ça. Alors, ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller à une soirée, une crémaillère, et de se retrouver en peignoir avec un soutif? Étrangement, jamais. Alors, peut-être pour les filles, c'est peut-être plus simple d'avoir un soutif. Peut-être, voilà. Effectivement. Mais, en tant que mâle, ça m'arrive pas souvent, j'avoue. Tu l'as bien cherché. Oui, effectivement. Ouais, j'ai renversé un verre en début de soirée sur moi-même. Ça, c'est pour. Ouais, c'est tout de suite, tu passes pour un gars bien. C'est ça. Tu renverses le verre de. Mon premier verre, pouf, sur moi, voilà. Un verre de. Comment ça s'appelle? De Mojito. De Mojito. Donc, le truc qui sent bien, tu vois, en plus dans la. Ouais, je sentais en plus. Bah oui. Bon, j'ai été prendre une douche, on m'a prêté un peignoir en soie. Du coup, j'étais là avec des gens que je ne connaissais pas en peignoir. C'était génial. Il passait pas inaperçu. Ouais. Oh, c'est clair. En plus, c'était un peignoir type japonais. Ouais, ouais, je me suis bien fait remarquer. Et alors, pourquoi le coup du. Pourquoi le soutif, Alors, le soutif, c'était. Il était fourni avec le peignoir. Un caprice. Non, non, non, caprice de l'autre, de maison. Oui, mais enfin, t'étais bien partant quand même. Elle bah a pas ouais, dû parce que c'était pas, c'était pas la première. Maintenant, une fois que c'est fait, maintenant, t'as l'habitude. T'as l'habitude. Si vous invitez Teddy en soirée, vous pouvez lui demander de passer un soutif. T'as pas voulu la culotte, hein? Bah non, parce que j'étais bien à poil ce moment-là. Voilà, bon, t'as fait sécher tes vêtements, Ouais, j'ai fait sécher mes vêtements et j'ai pu repartir presque tranquillement. Voilà, et maintenant mon siège de voiture sent le Mojito. Voilà. Je suis content. Mais au moins ça sent bon. Non. Ça parfait, mais si. J'avais passé. Non, mais tu sais que genre un mois avant, j'avais quand même passé le. Comment ça s'appelle là, le pchit pchit. Non, mieux c'est que comme ça. Ça qu'on dit. Mais non, l'espèce de grosse centrale vapeur là pour enlever toutes les odeurs. Alors, je vais poser la question à toute l'équipe. Qui est-ce qui a ça chez soi? Non, vraiment j'ai pas. J'avais loué ça. Ah oui, d'accord. Déjà, qui est-ce qui a compris ce que Théo a dit? Mais si, c'est le truc pour nettoyer les tissus, mais. Oui, les canapés, les voitures, les. Voilà, bah si, parce qui que... dans sa vie, j'ai dit tiens, je vais nettoyer ma voiture. Il y a des bactéries. Si, si, j'ai une centrale vapeur. Bah voilà, tu vois. Ah mais si, moi, ma mais je l'utilise pas pour ça parce que c'est trop bordélique. Ouais non mais de temps en temps, mais tu vois, ça enlève toutes les bactéries. Non, non, mais on va pas débattre de ton utilité. Tu attends. Le week-end aux autres. Bon, de toute façon ça enlève pas Teddy donc voilà. C'est pas faux. Daniel, ton week-end t'as fait quoi? Moi rien. D'accord, bon ça c'est. Moi je me suis reposé pour une fois, j'ai eu envie de glander, j'ai glandé. En même temps, le week-end c'est bien de se reposer, je confirme. Ouais. Kevin, pareil ou t'as fait d'autres choses? Alors non, moi j'ai refait le manga que je préfère pour en parler justement. Ah bah oui, évidemment. Non mais il est consciencieux, hein, c'est bien. Ça. Il a tout préparé pour ce soir. Hermance, toi t'es en vacances en ce moment. T'as fait quoi ce week-end? Je suis plus en recherche d'emploi qu'en vacances. T'appelles ça des vacances? Détail, un détail. Un peu comme moi. Et alors, recherche fructueuse ou pas? Bah pas du tout. Pas du tout. Mais mais est-ce qu'on en profiterait pas? Voilà, pour dire dans quoi tu recherches? Bah dans l'audiovisuel, ce serait top, mais. Voilà. Il y a des gens qui nous écoutent. Vous bossez dans l'audiovisuel, ça, c'est quoi? C'est un. Technicienne vidéo audiovisuelle. Voilà, donc un CDI. On va partir direct sur le CDD. C'est souvent sous contrat, je crois. C'est vrai que dans l'audiovisuel, c'est sous contrat. Mais un CDD pour monter des plateaux télé, pour. Tout! Même les cafés! Non, peut-être pas le café. Pour monter la chantilly. Pas la production, mais. Pour monter la chantilly aussi, monter les plateaux télé, la chantilly. éventuellement. Non, mais sur, ouais, dans ton domaine, effectivement, si vous cherchez, de préférence en Touraine, comme ça on la garde avec nous aussi, ça fait plaisir. Ouais, vous êtes de Tours, vous voulez des invités? Vous êtes de Tours. Alors attends, les non, moi, Juliette. Non. Juliette, tu es d'Orléans, je crois, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Je suis d'Orléans, plus précisément de Saint-Denis-en-Val. Alors, si vous connaissez Saint-Denis-en-Val, represent, ils sont deux. J'ai une question. Oui. On est bien avec les gens d'Orléans? On est en bon terme? Bah écoute, moi je range. On s'entend bien ou il y a des clashs? Genre non, non, bah, tour, il y a du. Je vais du expliquer parce que sinon on va se barrer, elle va pas chanter, on va avoir l'air. Sinon tu me dis je pars, hein, c'est pas grave. Ah mais sinon je peux chanter, il y a pas de. C'est bon, on passe. On passe. Ce qu'on peut faire, c'est il chante avant et tu chantes après. Comme ça il y aura un avant après. Non, il y aura plus personne après. Oui. C'est le problème. Si jamais tu chantes mal, je me sentirais valorisé. Voilà, c'est ça. Je chante mal, je te confirme, je chante mal. On chante tous mal, sauf Herman. Non, on va te sauf laisser, on va te laisser ah, merci. La priorité ce soir. Et c'est avec plaisir. Jonathan, ton week-end, ça s'est bien passé? Ouais. Ouais, t'as fait des choses sympas? Bah, je refais mon annonce. Ah, il refait. Alors, Jonathan, explique. Il fait un jeu de société avec un financement participatif. D'ailleurs, c'est sur la plateforme Ulule. Ça s'appelle Le Jockey. Le Jockey. Vous cherchez le Jockey sur la plateforme Ulule. C'est un jeu de société qui est très bien. Et, J-O-K-E. T'as besoin de 220 euros, c'est ça? 225. 225, c'est précis. Si vous voulez financer le jeu et participer. Et comme ça, vous aurez en plus le jeu en exclusivité. Donc, n'hésitez pas à aller checker le projet. Et donc, ouais, tu veux que ça soit bien fait. Donc, donc vous pouvez mettre la somme que vous voulez, mais. Genre pour 500. Chaque tranche de 25 euros, vous avez un jeu offert. Ouais, mettez les tranches de 200 euros, ça sera bien. C'est quand même mieux que le loto 25 euros, t'es sûr de gagner quelque chose. Exactement. Voilà. Donc, investissez, jouez chez Jonathan. Et c'est une très bonne remarque, Daniel. Plutôt que d'aller jouer au loto où vous serez quasiment certain de rien gagner, là, au moins, avec ça, vous serez sûr de gagner un jeu au final. Voilà. Et en peut-être plus de participer à un projet qui peut-être, bah, après, derrière, il y aura une. On parlera du jockey partout. Il y aura le Monopoly. Il va concurrencer Mattel, Hasbro et tous les jeux de société. Peut-être qui sait. Non, mais c'est comme ça que ça commence. Soutenez les jeux indés, c'est très important. En tous les cas, ce soir, on parle manga. Vous l'avez compris, petit tour au Japon avec notamment les openings de manga et Juliette, notre invitée. On va commencer par écouter de la musique. Qu'est-ce qu'on écoute? Ah! Une reprise de Michael Jackson, j'adore. They Don't Care About Us, le titre c'est Julia Westing sur Indestar. Et dans un instant, on parlera de toi, Juliette, évidemment, hein, de ce que tu fais, de ce qui t'anime comme passion. Et puis on aura peut-être droit à des petits lives, hein, sait-on jamais, sur Indestar. On verra bien. Ah, on verra ce bien. Ce que ça donne si vous êtes gentil. Hein. Bah, si ouais, on est gentil. Oh, bah, ça, y a pas de problème. Ça, c'est bon. Normalement, on est gentil. Jusque-là, on était gentil. Voici Julia Westling sur Indestar dans cette émission de l'été. Indestar, là où tout commence. Indestar, là où tout commence. Et en ce lundi soir, bah, c'est votre émission à la maison. On commence avec Hermance. Bah oui, on commence toujours l'émission avec Hermance, évidemment. On parle de Japon ce soir. On parle de manga, on parle d'animé, on parle de musique. Tout cela avec notre invitée Juliette. Qui nous vient d'Orléans. Voilà. Donc, non, mais t'as fait le trajet exprès pour venir nous voir ce soir, oui, quand même. Hein. Bah, c'est cool. On est flatté. Hein. Non, on parlait d'Orléans, c'est vrai. J'ai pas dit que j'aimais pas les gens d'Orléans. Comment ça commence trop bien cette émission quand tu dis je vous aime pas trop. Comment ça? Non, du coup, moi j'y vais. En fait, je vous plains parce que vous avez un climat de merde à Orléans. C'est quand tu montes à Paris, bon, à Paris, c'est pas ouf. Et chez nous, c'est pas ouf. On habite pas dans le sud de la France. Nul, hein. On est vraiment en centre-val de Loire. On n'a pas un beau climat. Mais quand tu passes, par exemple, tu passes de Touraine à Paris. Genre, il pleut chez nous, tu vas à Paris, il pleut, et entre les deux, il neige. C'est Orléans. Après, on a une heure et demie de route, hein. Le climat est pas si différent. Non, il y a un microclimat. C'est vrai, je confirme, parce qu'à une époque, quand je travaillais en déplacement, j'allais souvent sur Orléans, et c'était très souvent en hiver que je partais sous la pluie ici, et que j'arrivais sous la neige à Orléans. Tu vois? Vous allez rire, mais la seule fois que je suis passé à Orléans, il neigeait. C'était la belle époque, hein, parce qu'à Orléans, il ne neige plus. Il ne neige plus, ah mince. Bordel, c'est quoi ce délire? Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de microclimat quand même à Orléans. Si on y va, là, il va neiger. Ça va. Peut-être pas. En ce moment, t'es parti tout à l'heure d'Orléans, il faisait beau. Ah bah, il faisait aussi chaud qu'ici. Hein, d'accord. Pas... Bon, bah, comme quoi, on remet tout. Ça me dépayse pas, hein, je suis toujours en manche courte. C'est pas faux. Et pourtant, t'es dans le sud ici, attention, par rapport à Orléans. Vite fait quand même. Non, mais dans le sud par rapport. Le sud géographique. Voilà. Le sud géographique, mais c'est vrai que par rapport à la France, on est loin d'être dans le sud. Mais ça nous suffit largement. Genre, il fait 35 degrés ou 40 degrés dans le studio. Donc, on n'a pas de clim. D'ailleurs, donc, si vous voulez donner de l'argent, donnez-nous de l'argent pour acheter une clim. Bah, nous aussi, on peut faire une campagne Ulule. Hein, pourquoi pas. Par contre, vous gagnez rien. Vous emmenez rien si vous nous aidez à avoir la clim. Si, vous gagnez le droit de faire une émission avec nous. Ah, bah c'est pas ça. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Et d'avoir des animateurs et des animatrices qui sont encore plus en forme parce que bah, du coup on a moins chaud, donc on est plus. Ah. C'est un investissement sur le long terme. Exactement. Ah. J'ai bien fait de soulever le problème. Ouais, préserver la santé de vos animateurs radio, c'est un problème important. Juliette, ouais, donc tu es venue ici d'Orléans parce que toi, donc jusqu'à maintenant dans ta chambre, tu as pris l'habitude de dormir. De dormir, oui, ça c'est mieux que bien pour une chambre, mais de chanter. Oui. Donc, quel est l'équipement que t'as à la maison? T'as un petit équipement pour chanter ou... J'ai mon téléphone, j'ai mes enceintes, enfin mon enceinte un peu nulle et mes écouteurs. D'accord. Et c'est déjà pas mal. Alors attends, c'est-à-dire que tu mets la musique dans tes écouteurs? Non, la musique je la mets pas forcément dans mes écouteurs parce qu'après je m'entends plus, donc c'est un peu moyen. Non, je la mets sur mon téléphone ou sur mon PC, c'est pas... D'accord. C'est peu qualitatif. T'as pas de micro? Non, mon frère a un micro mais je l'ai jamais emprunté. Ah, mon frère a un dommage. Petit peu d'équipement, mais je m'en suis jamais servi parce que. Faut faire une cagnotte, faut envoyer de l'argent pour Juliette aussi. Au moins qu'elle ait un micro. Donner l'argent à tous les membres. Même s'il n'est pas connecté, mais. Okay, pour faire non, parce qu'elle nous a confié avant l'émission qu'en fait, elle prenait son sèche-cheveux et puis elle chantait. Alors c'était la brosse. La brosse. Ouais, la brosse, pardon. Pardon. Issue, Daniel. Ça. Le sèche-cheveux, c'est, ça revient à l'émission de vendredi dernier. C'était Claude François, le sèche-cheveux. Voilà. Puis tu t'entends moins parler dans le sèche-cheveux. Oui. C'est plus difficile. Alors de que chanter. Dans une brosse Babyliss, tu t'entends super bien. En plus, ça fait de la pub. Ça fait de la réverb, les brosses Babyliss. Oui, bah avec les petits picots, ouais. Là, c'est vrai qu'ils sont disposés d'une façon qui permet une réverbération. Essayez de chanter avec la brosse Babyliss. C'est extraordinaire. Classique. Je crois qu'on en fait peut-être un peu trop pour une simple brosse à cheveux. Ouais. Déjà, ça, l'utilisation d'une brosse à cheveux, c'est déjà pas mal. Non, on peut avoir le modèle de la brosse Babyliss pour essayer. Ah elle non, n'est pas Babyliss. Je sais même pas si c'est une brosse Babyliss. Ah hein. Oh, bah voilà. C'est une brosse avec des petits picots tordus multicolores et puis. Et des cheveux tout. Parce que. Non, parce que. Tu sais, c'est comme les cathédrales par exemple. L'arrondi, tout ça fait qu'il y a une bonne sonorité. Alors ouais. Peut-être que l'arrondi. Des... Ah, j'aurais plutôt dit à plus en main. Mais... Moi aussi. Moi en vrai, j'investirais plutôt dans un micro. Là, je suis sûr que ça. Ah, c'est vrai que t'as moins de cheveux. Déjà, il y a moins de cheveux. Pourquoi t'as pris celui de ton frère? Du coup. Bah parce qu'elle respecte son matériel. Ouais, c'est parce que c'était le matériel de mon frère. Ah, et je croyais qu'il était méchant avec toi. Et que j'osais pas lui emprunter. Ah. Parce qu'il est méchant avec toi ? Il n'est pas méchant avec moi. Ah, bon, tu nous rassures là. Et de toute façon, s'il m'écoute ce soir, je ne me permettrai pas de faire des réflexions. Il y a des bons comme des mauvais moments, enfin, ouais. Frères et sœurs quoi. Alors, j'ai cru qu'il y a des bons comme des mauvais frères. Je tiens à dire aux frères qu'elle m'a regardé de travers en disant ça, en l'air de dire recommence pas avec mon frère. Hein. Comment non. Il s'appelle ton frère? Il s'appelle Victor. Et ben Victor, on te fait des bisous, on ouais. Te fait un petit coucou. Un petit check. Et prête ton micro check à main. Juliette. C'est pas grave, nous on le fait en tout cas. Oui, non mais tout à fait. Donc oui. Ce soir, tu vas avoir l'occasion de chanter en live sur Indestar. Millions de personnes. On est millions de personnes. Vous êtes des millions à ouais. Écouter, évidemment. On y croit. Mais alors, tu chantes quoi? Parce que tu chantes des openings de manga, mais tu chantes aussi, je crois, de la variété française ou même étrangère, c'est oui, ça? Oui, je chante globalement de tout, on va dire. En fait, enfin, je suis moins dans un délire de rap ou de slam. Enfin, ces genres musicaux-là, je chante moins. Mais je chante, oui, des openings en japonais. Pas forcément bien parce que j'ai pas l'accent japonais. Ouais, j'allais dire c'est super. Enfin, c'est difficile non de chanter en japonais. Je suis pas natif, je suis pas bilingue bon. Donc. Bof. À force d'écouter bon. Les openings en boucle parce que tu adores les animés. Je sais pas. Au bout d'un moment, tu parles japonais, t'entends. Je dirais que c'était Kevin. Je sais que Kevin connaît un peu de japonais, non? Ouais, vite fait, on va dire. Sushi. Connu, non, tu vois. Jusqu'à 10. Je sais, oui, tu sais compter, je sais, ouais. Alors. Deux, stress, quoi, trop. Non. Non, non, comptons jusqu'à 10 en japonais, vas-y Kevin. Ichi, ni, san, yon. Nissan. Oui, Nissan. Pas Skyline. C'est la marque de ma voiture. Attends. Son, loku. Attends. Auto. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est je fini. Dis des trucs au hasard. Non, attends, j'ai un trou pour 7. Roku. J'ai Nana. Ah oui, c'est Nana, Hachi, Gyu et Ju. D'accord. Moi, je retiens Nissan. En plus, c'est le 2 et le 3, c'est ça? Non c'est le... Mais tu parles de oui, Nissan, 2 mais. Et 3, oui. Ouais. Ils ont un délire en plus au Japon de dire Nissan avec leur accent. Avec un accent type manga, une voix assez aiguë féminine. Nissan! Nissan! Ouais, comme ça. Ils ont un gros délire là-dessus. Je ne permettrai pas d'essayer. Naruto, ça t'a choqué, on dirait. Pourquoi? Parce que j'ai une voix plus féminine et que ça peut faire bizarre. C'est pas faux. Hermant, c'est ça. Enfin, une voix plus féminine, j'ai une voix de femme, quoi. Bah, fais-nous voir, du coup. Il y avait les rires qui couvraient, ouais, ouais, vas-y, vas-y. Oh, silence, vas-y. Et c'est une Nissan quoi que tu as? Une Nissan Micra. Voilà. Tu pourrais avoir une Nissan Micro. Le micro, quand même, serait utile. Si tu me fournis le micro, je peux. Très sûrement. Je peux te fournir un micro. Pas d'Indestar, mais je peux te fournir un micro. Mais je pas l'accroche là. Dans ma voiture. Mais je l'ai pas là. Donc, parce que t'as rien demandé avant de venir, alors on n'a rien amené. Ah, c'est pas fou. Ah, mais tu m'as pas demandé la marque de ma voiture avant de venir. C'est vrai que c'est pas la première chose qu'on demande. Même pas que tu venais en voiture, t'as parlé de train. Je trouve qu'on devrait le faire. Là, je suis venu en train. Pour les invités, on devrait demander la marque de la voiture. Non, mais je... Alors, non, on ne ramènera pas... Non, on ramène pas tout à Starter. Ce soir, c'est manga. Ça, c'est intéressant. Oui, ce soir, c'est pas voiture. Mais on parle Japon. Qui dit Japon, dit culture japonaise. Mais dis pas voiture. Mais non, dis manga. Je suis possesseur d'une Nissan aussi. Oui, mais non. Non, il n'y a pas de voiture ce soir. Là, ça, c'est pas féminin, là. Ça, c'est juste, mec, taré énervé, là. C'est tout. C'est pas faux. C'est assez agressif, hein. Ne le refais plus. D'accord, je le refais un peu. Concernant la culture japonaise, est-ce que, au-delà de la chanson japonaise, est-ce qu'il y a enfin, est-ce que tu t'intéresses à la culture japonaise de manière générale ou pas trop? Oui, pas de manière approfondie, parce que je suis une flemmarde de l'approfondissement. C'est parce que si je m'intéresse à un truc, après je m'en lasse. Et du coup, je ne cherche pas. Mais j'aime bien la culture japonaise dans son ensemble. Enfin, le système scolaire japonais, je le trouve intéressant. Enfin, je le trouve pas mal. Le truc qui pense au suicide, là non. Pas celui-là. Pas celui-là. Le système scolaire tout court et le système scolaire dans les mangas est bien aussi. D'accord, ouais. Plus normal, mais... Oui, parce que c'est vrai que dans les mangas, il y a beaucoup de mangas qui se passe. Ah mais tu es un lycéen lambda, oui. Et voilà, ça commence comme ça. Voilà. Voilà. Mais dans ton lycée, il se passe des trucs formidables qui ne se passent dans aucun lycée du vrai monde. Et c'est peut-être mieux, non, dans ça vend du rêve. Non, non, non, ah, non, non, non, non. Bon, il d'accord. faut qu'il se passe des trucs. Voilà. Bah, sinon, et pas genre le cantinier a raté sa purée ou un truc du genre. Oui. Sinon, ça serait peut-être un peu chiant à lire. C'est... Bah ouais, ouais, clairement. Ouais. Mais il y a des mangas, ils sont très posés, hein. Ils sont très réalistes. Justement, il se passe rien et c'est un concept. Mmh. Il se passe rien et tu observes la vie du gars. Enfin, bah ça, c'est un épisode de Derek, ça, c'est pas un manga. Nous venons d'avoir un scoop. Derek est peut-être un manga. C'est l'ancêtre du manga. Ouais, j'ai bien dit peut-être. Ah, ça fait mal. Il y a des raccourcis qui vont pas. Cherchons des fanarts animés. Ah. La bouffe japonaise, ce que. Sushi! Non, pas trop. La bouffe japonaise, moyen. Je commence les sushis, c'est que j'ai jamais été une grande fan de poisson ni d'algues, mais j'essaye. Ouais. L'autre jour, je suis allée manger dans mon premier sushi et j'ai pris des sushis au thon. Et c'était bien parce que le thon, c'est le seul poisson que j'aime. Ça doit être dur de manger à l'intérieur d'un sushi. C'est vrai. Ça dépend de la taille du sushi après. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça colle un peu. Et est-ce qu'il y a des... Parce que moi aussi, ce qui me fascine dans la culture japonaise, c'est tout ce qui est objet. Il y a des trucs que tu trouves pas chez nous. Alors il y a des émissions de télé aussi que tu retrouves pas chez nous. Il y a plein de choses qu'on trouve pas chez nous. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et tant mieux. Non, mais parmi les objets, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te fascinent ou que t'aimerais bien avoir à la maison et que t'as pas? Des objets qui me fascinent, je pense pas particulièrement. Après, j'ai des figurines, mais ça, c'est pas des objets japonais, c'est un peu partout. J'ai un Lucky Cat chez moi. Un quoi? Le chat qui remue la patte. Ouais, j'allais dire le Neko. C'est un porte-bonheur japonais. Ah. Ouais. Ça a rien à voir avec le petit chien que tu mets sur la plage arrière là. Alors non, non parce que là il n'y a pas besoin de mouvement et en fait le bras il bouge tout seul. D'accord. Voilà, il avance tout seul grâce à quoi? Je sais pas. Grâce à sa force intérieure. Voilà. Okay. Il est magique. Ça vient du Japon. Sa gueule c'est magique. Voilà. C'est ça. C'est ok. Donc ça fait partie des objets que t'aimes bien. En objet japonais après je sais pas parce que après il y a les objets plus globalement orientaux et je veux pas confondre tout ce qui est chinois, coréen, japonais parce que c'est pas et forcément alors, respectueux des pays, des cultures. Plutôt dans la saison on avait fait une émission notamment sur les habitats. On avait parlé de l'habitat japonais qui était quand même pareil assez spécifique. Ouais. Et notamment les maisons traditionnelles tu vois avec où tu t'enlèves tes chaussures. Les portes, à l'entrée, ça, c'est des trucs en papier fine où tu peux les traverser comme dans un film. Hein, c'est quand même pratique parce que quand tu oublies ta clé, tu peux quand même rentrer chez toi. Oui, tu défonces la porte. Est-ce que t'as vraiment besoin d'une clé du coup? Parce que le voleur il peut aussi rentrer. Ah, bah alors, la porte de l'extérieur, non, mais c'est les portes intérieures. Parce qu'ils ont des portes intérieures pour séparer les pièces. Ils aiment bien jouer à Tetris dans les maisons. Non, mais il y avait des jeux de lumière, enfin, il y a beaucoup de ça. Est-ce que, par exemple, si on. on te proposait de vivre dans une maison japonaise, est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais ou alors, pff, oui, oui. Moi, qui dirait non? Grosse fan à Japon, donc je dirais jamais non. Les portes coulissantes, j'adore. En plus, ça gagne de l'espace, quand même vachement. Les sols en tatami, c'est chouette. J'ai pas d'infos à dire dessus, mais j'aime bien. Les jardins, puis l'architecture est très belle dans les maisons, enfin les toits un peu. Oui, ils sont penchés, oui. Incurvés. Traditionnel japonais, non, mais c'est génial. Ouais, comment les décrire? Ils sont incurvés. Ouais, ils sont incurvés au bout, ouais. Ouais. Ça remonte un ils petit peu. Ils sont concaves. Concaves, voilà. Puis c'est vrai que les jardins japonais. Bon, chez nous, on a que les caves, excuse-nous. On a des cons aussi. Hein. Ouais, il y a des cons aussi, ouais. Le cliché deux, du jardin japonais, mais c'est vrai, en plus ils le font, c'est le morceau de bambou creux avec de l'eau qui tombe dedans et ça tombe. Et ça, voilà. J'adore. Et t'as dans les gouttières aussi. Tu sais, les gouttières, plutôt que d'avoir une gouttière qui descend tout droit, t'as des espèces de gouttières qui font une belle forme en descendant. Tu sais, ça, genre ça. J'avais jamais vu. J'ai jamais entendu parler. Je t'avoue que je me suis jamais intéressé aux gouttières dans le monde. C'est vrai que c'est que Théo pour s'intéresser à ça. Non, en fait, alors t'en as plusieurs. Soit t'as avec des bambous et genre ça fait un circuit, quoi, tu vois. Ah oui, mais c'est pas des gouttières, c'est de la décoration. Non, ça tombe du toit, c'est des gouttières. Ou alors sinon, t'as le principe, ça tombe dans une. Comment dire, une sorte de coupelle. Et après, quand la coupe est pleine, bouf, ça tombe dans la coupe en dessous, marre, etc. Et du coup, ça te fait une espèce de petite cascade, c'est très joli. Bah oui, ils adorent les cascades. C'est mieux que nos gouttières en zinc, tu vois, c'est plus original. Oui, certes, bah oui, il y a beaucoup de choses qui sont mieux. Moi, il y a une chose qui m'épate au Japon, c'est ce qu'ils appellent des jardins zen. Oh, c'est super beau. Alors, je comprends pas, parce que tu passes ton temps juste à ratisser le gravier. Ça fait un peu agréable. C'est du travail gratuit, effectivement. Mais c'est censé te détendre. Ça ressemble à quoi, un jardin zen? Bah, pour moi, il n'y a que des cailloux, du gravier, et puis c'est tout. T'as pas de. Si, il y a des plantes, il y a des plantes d'ail, par exemple. Oui, bah normalement, ils mettent un peu de plantes. Ah bon? Mais c'est vrai que dans le concept, il y a même des petits qu'on peut mettre chez soi. Hein. C'est genre une espèce de petite table. Une espèce de bac à sable avec ton petit râteau. Et en fait, c'est très satisfaisant à faire au final. Tu essaies de faire des petits traits droits et c'est-à-dire tout. C'est-à-dire que tu le fais en miniature, c'est ça? Ouais, tu le fais en miniature chez toi, parce que j'ai pas la place pour un jardin zen. Ah, c'est sympa balcon. Si vous êtes en appart, vous pouvez avoir un jardin zen japonais. Un mini zen. Si, en général, il y a des petits bouddhas avec aussi. Oui, c'est vrai. En plus. Il y a souvent des petits bouddhas. Et des ponts. De toute façon, tu as un petit bouddha? Non, j'ai pas de petit bouddha. Ouais, c'est vrai que c'est pas très bon. Mon père avait un bouddha lampe. Ton père était même pas fan de Japon. Il manquait juste le jardin autour, tu vois. C'était d'un goût douteux en vrai. Mais c'était assez haut, hein. Ça faisait genre 40-50 cm. Et t'avais une lampe au-dessus. T'avais le Bouddha qui était en position de Bouddha. Avec un trou dans la tête pour mettre une ampoule. Et avec une ampoule au-dessus, ouais. Je suis en train de penser au truc. Imagine, Bouddha éclaire le monde. T'es de la religion du bouddhiste, tu vois ça. Tu te dis, mais attends, tu sauterais pas un peu de ma gueule. C'est les objets détournés, tu vois. Oui, bah évidemment. Mais ouais, d'accord. Est-ce que c'était pour dire qu'il a vu la lumière ou qu'il avait une idée ou je sais pas. Il y avait un. Je sais pas. Mais on a eu ça pendant longtemps à la maison. Hein. Il a peut-être pas les codes. Pas les codes. Ouais. Ah, pardon, la musique. Oui. Autant pour moi, je n'y étais pas du tout. Mais qu'est-ce que je fais ici? Mais pas du tout. On va parler de ta musique dans un instant, Juliette. Et peut-être qu'on aura droit à des titres en live. Mais avant cela, on va écouter Gomard. C'est ça? Ouais. Pas les codes. Et il a pas les codes, ouais. Elle a pas les codes. T'as vu cette transition? C'est magnifique. Mais en tout cas, on aime Gomard. Elle est sur Indestar, évidemment, ce soir. Ça fait des rimes en art, j'aime bien. Mais il est pas encore très tard. Donc on en profite pour écouter de la bonne musique. Des accords sonnent comme une évidence. Indestar, là où tout commence. Indestar, là où tout commence. Et cette émission du lundi soir avec vous, les amis, pour parler manga, pour parler Japon, pour parler culture japonaise, avec notre invitée Juliette, ce soir, qui a fait le déplacement d'Orléans avec le train. À la SNCF, t'as pas trop galéré? Ça va. Ah. Le train est parti 3 juste secondes 15 en avance minutes en retard. Et j'étais très vexée. 3 secondes en avance, vraiment, c'est possible? Il est parti en avance. Attends, mais c'est possible, vraiment? J'étais, mais c'est pas très gentil pour les gens qui arrivent en courant et qui sautent dans le train. Mais c'est tellement sadique, c'est trop bien. Ils avaient qu'à courir plus vite, hein. Je veux travailler à la SNCF pour faire ça. Alors moi, expérience de la SNCF ce week-end, je devais aller faire une balade en 4L. Ah oui, il y avait pas de train. Non, mais train plus voiture, c'est pas comme ça que ça marche. La base de Nissan à 4L quand même. Ouais, j'ai les deux. Et on devait faire une petite balade touristique en train. Et c'était une voie en fait qui, c'est un train plaisir, un train touristique. Et c'est un train donc qui appartient à une association, mais on doit passer sur des rails qui appartiennent à la SNCF. Pour un train, c'est mieux. Et après, des rails de la SNCF, qui appartiennent à la SNCF. Et la SNCF nous a prévenu 24 heures avant que, bah non, en fait, quand il faisait plus de 25 degrés, il voulait pas. Ouais, par il n'y avait pas vraiment de raison hein, en bah vrai, si, plus 25 degrés. Les rayons trop chauds. C'est une raison. Les rayons chauds, exactement. Vous ne passerez donc, pas dessus. Voilà, pour éviter de mettre les rayons en sueur, vous ne passerez pas dessus. Donc on n'a pas pu faire notre petit train. Oh. Je suis tellement déçu. En même temps, t'as pensé aux pauvres petits rails qui sont en train de transpirer? Les bah, pauvres. Oui, mais je voulais au moins qu'elles soient en train de transpirer pour quelque chose, tu vois. Qu'on passe dessus pour voilà, au moins les utiliser. Bah non. Et l'association, c'est dommage aussi pour l'association parce que eux, ça leur faisait un petit peu de sous, tu vois, le fait d'utiliser le train, etc. Donc là, ils ont pu faire un voyage le matin. Sauf que le matin, on n'était pas prêt. Hein. On était 9h. Le départ du train, nous, à 9h, on n'était pas encore, encore parti. Et l'après-midi, bah, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc voilà, petite dédicace à la SNCF qui, pour le coup, c'était cool pour Juliette, mais pas pour moi. Est-ce que tu as pensé à mettre dans les négociations un verre d'eau pour les rails? Ça aurait peut-être pu marcher. Ah, tu crois que le syndicat des rails? Voilà, peut-être. Ils auraient peut-être accepté. Un petit pulvérisateur à l'arrière de la 4L. Pouf, ça pulvérise de l'eau sur ton passage. Alors, on ne devait pas passer en 4L sur les rails. Hein. Je précise quand même parce que ça doit passer. C'était pas l'idée. À moins qu'on parlait de climatisation tout à l'heure. Ça marche, ça existe peut-être pour les rails. Pour les rails, ça coûte. Bordel, on est en train de débattre. Comment on reproduit les rails? Et la planète alors? La planète. Donc, reconcentrons-nous sur le Japon. De toute façon, ils ont des rails aussi au Japon. Ils ont des trains au Japon, beaucoup de trains. Et ils ont des trains aussi monorail. Ouais. Ou qui vont très vite. Et c'est, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on avait testé nous en France avant d'arrêter. entre Orléans et Paris là. Ouais, du côté d'Artenay. De ouais. Ligne là qui est dans les champs et qui a jamais servi à personne. On avait testé dans les années 60 le monorail et ça. Et c'était bien. T'avais aimé? Bah non, j'étais pas là. J'étais pas né. Ouais, d'accord, il a dit on avait testé hein. Non mais on avait testé la France. La France avait testé. Et puis on a abandonné mais c'est dommage, on aurait eu le train le plus rapide du monde. Après on a fait le TGV et puis après on s'est fait laisser rattraper par les Japonais notamment. Avec ce train qui va très vite. On a toujours le record de vitesse, je crois, ou s'il a été battu, il y a pas très longtemps. Il a été battu. Mais il y a pas très longtemps. Ouais. Certes. Et puis là, ils vont nous pondre, alors ça c'est en Amérique. Un œuf. L'hyperloop. Vous avez entendu parler de ça, ouais. L'hyperloop. Oui. Faut pas se louper. Hein. Non, faut pas. Mais ça c'est génial. En fait, c'est un train qui passe dans un tube où t'as plus d'air. Et le train, il est censé aller à plus de 1000 km/h. Non, mais à l'intérieur, c'est. Ah, c'est un peu le système pour tirer au airsoft. Peut-être. C'est de l'air comprimé, hein, ouais. C'est la même chose. D'accord, ok. Et bah voilà. Là, tu t'imagines que tu pourras aller de Paris à Marseille en 30 c'est minutes. C'est toi qui te fais tirer à l'air soft. Exactement. C'est la je voudrais pas prendre la balle dans le cul, hein, vu la taille. Hein. Ouais. Effectivement, celle-là, c'est pas que dans le cul que tu vas prendre. Hein. Faut pas se mettre sur les rails, non, c'est pas cool. Bon, donc au Japon, il y a les trains, mais aussi, ouais, la chanson, on a commencé à en parler avec toi, Juliette, parce que déjà, il y a. Comment on appelle ça, la K-pop? La K-pop. Du coup, c'est coréen. Ouais. Parce que K, tu vois, c'est la J-pop pour le Japon. Voilà. Ouais, c'est pareil. Ça, non. Non. Non. Non. Hérésie. C'est pas le même pays déjà, de base. Et la F-pop, c'est en France, tu vois. F-pop. Voilà. Au détail près que ça n'existe pas. Non, mais nous, c'est la chanson française. On a perdu 1 million d'auditeurs. Alors, attends, mais moi, j'aimerais bien qu'on m'explique la différence entre la K-pop et la J-pop déjà. Ah, bah c'est simple, c'est pas le même pays, la même langue. C'est comme si tu disais anglais non, et français, mais en termes c'est de pareil. Style. Bah, il y a déjà pas mais la c'est même lettre. C'est pas pareil. Parce que c'est différent. Le J est avant le K. Ouais, d'accord. Parce qu'on fait pareil que les Américains. Mais c'est pareil, t'as différents types de K-pop. Et de en plus. Ah. Tu peux avoir du rock ou de la pop justement. Non mais en fait pop déjà c'est un peu flou. Oui. Et c'est K-pop c'est globalement de la pop coréenne. C'est rien de plus que quelque chose de coréen mais c'est. Alors nous on a deux définitions de la pop. En fait aux États-Unis ce qu'ils appellent la pop c'est tout ce qui est populaire. D'où le nom pop. Ouais, mais nous en France on met en catégorie pop tout ce qu'on peut pas mettre ailleurs parce qu'on sait pas trop le mettre. Ouais. Oh, voilà, c'est populaire. Ça peut être la pop comme. Non mais c'est ça. En d'autres mots, c'est notre poubelle. Donc, ouais, voilà. C'est un peu le troisième groupe, tu sais, dans les verbes. Voilà, donc dire que c'est pas pareil, c'est compliqué puisque déjà c'est déjà très large et très flou. Donc on peut pas dire que c'est pas pareil alors que c'est pas très défini. Je suis d'accord. Puisque c'est le truc poubelle mais en fait. C'est déjà pas le même. C'est un peu méchant, je trouve. Non mais poubelle. Non mais c'est ça. De toute façon, on peut pas dire K-pop et J-pop, c'est non, pareil, vu qu'ils parlent pas la même langue. Oui, c'est ça. C'est comme si on disait une chanson américaine, c'est pareil qu'une chanson française. Ouais. Non, mais tu écoutes Michel Fugain, tu écoutes Katy Perry, c'est pas la même chose. Oui, non, mais on se doute que de la French pop et de l'American pop, c'est pas pareil dans la langue. Ah bah, J et K aussi, c'est pas pareil. La poubelle, il parlait pour nous tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire, c'est tellement évident, j'ai envie de dire. Je pense que tout le monde. Ah oui, non, c'est parce que Théo n'a pas. Ça avait pas l'air évident pour lui. Pas de culture japonaise, je pense que c'était la même langue. Non, mais non. Il faut pas la différence. Et non, mais... l'a avoué en direct devant. Pour moi, la, le Japon, ils faisaient de la K-pop. Mais c'est pas grave, hein. On fait de non, la J-pop au Japon, c'est très bien. Mais du coup, nous, on fait de la F-pop alors. C'est ce qu'on a dit. On l'a déjà fait, cette blague. Ça, c'est du réchauffé, ça. Ça, c'était il y a 5 minutes, Jonathan. Mais tu peux faire, par exemple, en Allemagne, ils font la A-pop. Là. On l'a pas faite, celle-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un dénominateur commun? Ils font de la AM-pop. La USA pop. De la pop. Non, par contre, tu dois connaître des groupes de J-pop, du coup. Peut-être que non. Pas trop, parce qu'en général, je reste dans tout ce qui est animé, dans tout ce qui est Vocaloid. Après, j'aime bien le... Vocaloid. C'est qui se faisait Vocaloid? Alors, j'aime beaucoup le mot. Des chanteuses virtuelles ou chanteurs virtuels. Oui. Donc, qui n'existent pas dans la vraie vie, mais toi, j'ai très envie de les rencontrer. Toi, comment elle s'appelle la plus célèbre? Hatsune Miku. Voilà. On avait entendu du Hatsune. Bien sûr, on a passé du Hatsune Miku. Elle chante. Comment elle fait? En fait, c'est un programme. C'est Nia, si tu préfères. C'est une voix virtuelle aussi. D'accord. Enfin, après, il y a des gens qui chantent par-dessus des fois, mais bon, ça, c'est du cover du coup. C'est elle qui a le plus de chansons dans son répertoire au monde. Oui, bah en même temps, il n'y a pas de mal, hein, parce que c'est un générateur automatique, quoi. C'est ça, ouais. Tu fais rentrer et elle a fait des mille chansons, quoi. Ouais. Elle a même pas besoin d'apprendre. Mais elle est très célèbre au Japon. Ouais. Et là, ça dégoûte un peu Jonathan qui se dit... Elle a fait des concerts. Elle a fait des concerts. Mais les vraies personnes au Japon s'intéressent pas. Mais elle a fait des concerts géants au Japon. J'aime beaucoup aller à un concert d'Hatsune Miku. Il me semble qu'elle en a fait un en France, à Paris, il y a quelques années de ça. J'aurais rêvé d'y aller. Enfin, je la connaisse pas alors à l'époque. Moi, pas clair. Du tout. Alors, si, pour le principe, pour voir une fois. Mais attends, les concerts au Japon, c'est pas pareil que chez nous. Hein. C'est plus comme américain et en beaucoup plus exagéré que les américains. Américains, tu sais, ils font un peu le show. Oui. Et ben, le Japon, ils font totalement le show, c'est la base. Bon, alors, pour la prestation, enfin, pour c'est le, totalement pour le show, bien. Tu vois. Je me rappelle d'un concert de l'Attaque des Titans, pour ceux, ou Shingeki, je sais plus quoi. Shingeki no Kyojin. Ouais, je parle vraiment trop bien le japonais. Dedans, en fait, tu vois, t'as la musique, ça commence et tout, et en fait, t'as un grand mur géant parce que l'attaque des titans, il y a un mur dedans, et c'est des titans qui attaquent, hein, voilà. D'accord. Voilà, je t'ai fait le speech en deux secondes pour que tu comprennes, hein, voilà. Et il y a un grand mur, il y a un géant qui arrive derrière, mais très très géant. Il y a des gens qui arrivent avec leur. Un géant qui est géant. Ouais. Il est grand, le mec. Et ouais, ça aurait pu être un géant en miniature, tu vois, de taille humaine. C'est pas très géant. Un géant de 2 mètres 10. C'est vrai qu'il y a des petits géants dans Harry Potter, il y a un petit géant là. D'accord. Non, il est petit, il fait juste 5 mètres. L'ogre dans les toilettes. Oui, voilà, c'est ça, le troll. Non, le troll des cavernes, mais bon. Le frère de Hagrid ou Hygrid. Alors, non, lui, c'est un demi-géant. Voilà. C'est parce qu'il a été marié à une humaine. Parce qu'en plus, il y a des demi. Bah oui, quand tu. Bah oui, mais peu importe. Moi, je suis un quart de géant. Tu vois, ça, c'est un petit géant. Il fait juste 2 mètres 50. Ok. Mais non, mais dans le concert, tu vois, il y a des acteurs en fait qui arrivent, qui font le show vraiment. Oui. C'est un truc de malade les qui concerts au Japon. Des grappins qui crampent sur les murs. Oui. Exactement. Mais alors, exactement. Ouais, pour on va dire, je vais pas dire pour la prestation scénique, mais c'est un peu ça quand même. Enfin, pour le show, ok. Bah, ils doivent tout miser dessus, hein, parce que. Mais sinon, c'est aller juste voir un son. Ah, moi, pour le show, je veux bien aller voir un hologramme qui chante. Hein, ça ah, bah ouais, clairement. En plus, ça change de. Et pas l'hologramme de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon en concert. Tu vois, c'est 1000 fois mieux que Mélenchon. Moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée parce que les chanteuses de K-pop, elles ont tendance à travailler énormément, à être mal payées. Ouais. En fait, c'est dur. À être un peu limite esclave, alors autant mettre un hologramme, j'ai envie de dire. Ouais, et puis celui-là, l'hologramme se plaint pas pour la paye en plus, ça tombe ah bien. Ah, bah oui, ça, c'est, tu peux l'exploiter l'hologramme. Ah ouais, bah ça, les idoles au Japon, comment dire. Il y a toute une culture assez malsaine autour de ça. Ouais. Donc vaut mieux exploiter un hologramme. Ton image doit être la perfection partout. Ah, oui. Ouais. Partout. Donc c'est mieux d'exploiter un hologramme plutôt qu'être un chanteur de K-pop, je pense. Ouais, mais ça veut dire qu'en fait. De J-pop. J-pop. Ça en est sûr. Oui. Les deux, ça marche. Ouais, c'est vrai que les deux. Ouais, mais J-pop, ils ont tendance à être mieux traités, on m'a dit. Je sais pas trop. Bof. Ouais. Ça dépend. Parce que J-pop, la pop. La J-pop, en fait, la pop japonaise, c'est plus pour le public japonais. Oui. En fait. Alors que. On est fan en France aussi. Hein. Non, mais oui, alors on est des gros bouffeurs de ça. Hein. C'est vrai que la J-pop c'est moins internationalisé que la K-pop. Mais c'est peut-être à cause de BTS. Mais on est d'accord qu'on n'entend ni de K-pop ni de J-pop à la radio par exemple. Alors, si, il y a dû avoir BTS du coup. Bah, sur Indestar, c'est même sûr. Après, faut choisir ta radio quoi. Non, mais si, il y a forcément eu BTS. Oui, voilà, BTS. BTS ? Ouais, c'est BTS. Ouais, parce que BTS, c'est ce que tu fais après le bac. Ah, ouais. Absolument pas dire BTS, mais BTS, parce que merde. Je vais te démonter. Mais je suis pas anglais. Mais d'accord, BTS, ils ont des records mondiaux hein, de musique. Ils ont tout explosé là il y a quelques années. D'accord. Hein, Et même, ils font des duos avec des Américains, donc forcément, ça devient international. Ouais. Oui. Mais c'est pas du tout le but de la J-pop. Il y a un minimum de groupes qui essayent ça, mais de façon globale, la J-pop, ça reste pour les pour eux. Ouais. Mais non, et, faut pas dire ça. C'est pas du tout la même bientôt on écoutera que ça. On arrêtera non, le. Non. La K-pop. J'arrêterai Loane pour de la J-pop, hein, clairement. Non mais par contre, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que tu as des chanteurs français, enfin ou des chanteuses surtout françaises, ouais, qui marchent pas en France, qui... mais qui partent là-bas et. Alors, qui marchent ou qui marchent pas en France, mais qui en tout cas vont après, alors soit en tournée, dans l'Asie ou au Japon certaines fois, pour faire des tournées exceptionnelles. Tu dois penser à Joyce Jonathan. Je pense à Josh Jonathan, ouais. Pourquoi pas. Elle marchait déjà en France, Josh Jonathan. Oui, mais elle marche encore plus. Mais ouais, chez eux, c'est... Ouais. Ouais. Avant ça, il y avait, comment elle s'appelait, Nana Mouskouri, qui avait cartonné là-bas aussi. Eh ouais, ouais, ouais, c'est... Eh oui. C'est très space. Mais c'est qu'elle a un look de manga un peu. Et puis même, Dorothée a fait des concerts au Japon. Alors, aussi. Je suis pas sûr qu'ils doivent trop bien l'apprécier. Si, en vrai, elle avait cartonné comment au Japon. Comment elle les massacre un peu, c'est... Ouais, c'est violent, hein. Bah, je t'assure qu'ils avaient fait des concerts. T'as déjà entendu un générique à l'époque, du moins, oui. Oui, bah, à l'époque, ouais. Oui, à l'époque du club Dorothée, ouais. T'écoutes le générique de Dragon Ball Z, le vrai. T'écoutes ouais. La reprise Dorothée, on va dire... c'est pas Dorothée qui fait Dragon Ball Z, peu c'est Ariane. Peu importe, c'est son groupe. Oui, c'est le club Dorothée, oui, c'est pas... Oui, peu importe. C'est Ariane. Mais même, il y a un choc... Oui, mais là, tu vas chagriner Théo, là. Ben non, mais... non, mais c'est sa seule référence. C'est pas ça, mais c'est juste... Ça a été adapté en version française, donc ça vaut ce que ça vaut. C'est pas faux. Mais sans eux, on n'aurait pas autant de mangas aussi de exactement, nos jours. Exactement. Hein, c'est un peu grâce au Club Dorothée qu'on a importé les mangas en France. Donc, c'est ça. Voilà. Mais mais sans ni dénigrer, ni... Voilà, bon, c'est... Les concerts qui ont été faits au Japon ont cartonné. Ils avaient c'est une demande fou, en fait là-bas dans les années 90 à l'époque. Ils aiment bien aussi Alain Delon, mais ils chantent pas, je crois. Non, Alain Delon ne chante pas. Jusqu'à je sais pas pourquoi ils sont fans d'Alain Delon. Je sais pas pourquoi, parce que nous on n'est pas fans. Enfin, tellement qu'il y a son nom dans certains mangas. Ah ouais? Ouais. Alain Delon. Ouais. Ouais, il y a des personnages de mangas qui s'appellent Alain Delon. D'accord. Pour de vrai. C'est ton quoi? Belzébub. D'accord, ok. Il y a un gars qui s'appelle Alain Delon. Ok. De celui qui se transporte, enfin, le passeur du roi des démons, pour ceux qui connaissent. Ok. Il souffre en deux. Du coup, moi, je vais te faire une carrière au Japon. De quoi? Je vais te faire une carrière au Japon, du coup. Tu pourrais essayer. Effectivement. Et si ça se trouve, ça marche. Ouais, en plus, j'ai même pas besoin de travailler mes textes, du coup, je peux chanter du yaourt. Ah ouais, du yaourt français. Mais oui, mais il y a un gars, il en parlait, il est très célèbre là-bas. Il est parti, je sais plus son nom. Mais en fait, il chante genre français, mais genre. C'est les... Un peu comme nous au final. Non, mais vraiment, genre comme si je chantais. Ouais. Mais enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas, mais pour eux, c'est génial. Ouais. Comme quoi, chanter d'autres langues, des fois, ça marche. C'est vrai. C'est vrai. Alors que nous, en France, bon, à part effectivement la culture anglo-saxonne hein, qu'on a complètement dans la musique, mais on est assez réfractaire à d'autres langues. Par exemple, tu vois, alors c'est déjà arrivé hein, qu'on ait des tubes portugais ou espagnol ou etc. Mais ça reste quand même assez rare d'avoir un gros carton. La France aux Français. Et c'est les mêmes aussi. Ça reste les mêmes pays aussi. C'est voilà. Oui. C'est espagnol. Portugais, ouais, et américain, ouais, c'est ça, bah anglais, ouais, à fond, ouais. C'est vrai qu'il y a très peu de chansons allemandes, y a pas, ouais, parce que Rammstein, pas il passe pas trop, oui, non, c'est étrange, ouais, y a pas africain, y a pas, non, japonais, non, très peu. Pas... J'ai une question pour toi, Juliette, de temps en temps, mais très peu, quoi. On parle de musique de manga depuis tout à l'heure, mais tu dois avoir des mangas quand même que t'aimes bien aussi, parce que du coup, tu écoutes les openings, mais j'imagine que tu regardes les mangas aussi, ça va avec. Parce que j'ai pas regardé tous les mangas dont je connais les openings. C'est normal. Ou alors je les ai pas regardés en entier parce que. Tout fan de manga font ça. Ouais. Je connais plus d'openings que de mangas. Pourquoi? Mais je sais pas, j'aime beaucoup de mangas. C'est vrai que Violet Evergarden, comme on disait tout à l'heure, j'aime beaucoup. Enfin, je l'ai regardé, j'ai pleuré. Un autre? J'aime bien Angel Beats. Angel Beats, ouais. J'aime bien. Après, en vieux manga, on va dire. Oh, on n'est pas obligé de faire vieux, hein. Ceux que je regardais quand j'étais petite, qui m'ont le plus marqué, il y avait Magical Doremi. Bah attends, t'as quel âge? J'ai 20 ans la semaine. J'ai 20 ans dans 3 jours. Oh. C'est ça. Il y avait les Mew Mew Power ou Tokyo Mew Mew en version d'origine. Ah, Mew Mew. Magical Doremi, c'était génial, j'adorais ça. Ça doit pas être la même. Après, je sais pas. Je crois que j'ai la même référence que Théo, moi. Mais il y en a beaucoup. J'ai bien aimé. Si, ça s'appelle comment déjà? Je sais pas. Raconte-nous l'histoire, on va essayer de deviner. On est 3 dans le studio, on va essayer de comment voir. Comment si ça, on vous êtes 3? 3 à connaître des mangas. Attends, oui. Je cherche parce que j'ai même plus le synopsis. C'est un petit mec, un petit gros. C'est pas moi. on va dire, parce que c'est vrai qu'il faut pas se mentir, il était un peu gros. Qui est dans un lycée où en gros il y a beaucoup de jeux vidéo, tout ça. Et il y a une meuf grande, belle. Qui, quand elle va dans le monde virtuel, elle a des ailes de papillon et tout. Et après, c'est un peu méca et tout. je me souviens plus. Oula, bah je connais pas. Ah bah voilà. Ouais, on est séché. Si. Sur place. Axel World. Axel World. Jamais entendu parler. C'était rigolo, c'est mon copain qui m'a fait découvrir ça, c'était très sympa. Alors je crois que je l'ai pas fini non plus parce qu'il y avait trop de saisons. Qui ça, le copain? Et trop de saisons. Le copain avait trop de saisons, je l'ai arrêté en cours de route. C'est ce qu'on appelle un bipolaire. Il a beaucoup trop de saisons. Mais d'ailleurs, lui aussi, il doit regarder des mangas. Il s'appelle comment? Il s'appelle Victor, comme mon frère. Histoire de compliquer la chose. C'est, ouais, c'est vrai. Non, mais remarque, c'est simple comme ça. Si tu parles de alors, Victor, Victor voilà, frère ou petit ami, on te fait des bisous. Et, on te dit bonjour. Il y a d'autres Victor. Il y a d'autres Victor dans ton entourage? Non, j'ai connu des Victor au collège. Non, parce qu'on les aurait salués en même temps, c'est juste pour ça. On salue tous les Victor. Ouais, voilà. Comme ça, si vous connaissez Juliette déjà, bah. C'est quoi lui ses mangas préférés, juste pour savoir? Oh là, j'en sais rien. Non, pour aller balayer. Hop là, c'est fait. Garde pas avec non plus, attends, faut pas déconner. T'as peut-être des openings que tu préfères parmi tant d'autres? Non, je les aime tous autant. Non, non. Alors, il y en a un que, qu'on pourrait chanter là ce soir si tu veux. C'est pas vraiment un opening. C'est de la chanson française-anglaise. Alors, c'est de la chanson anglaise. Si tu parles de ce que je crois, c'est une chanson dans Steven Universe qui n'est pas un animé. C'est un dessin. Enfin, on va dire c'est un animé quand même. Ouais. Pour faciliter la chose, mais qui est américain. Je crois c'est Cartoon Networks et donc c'est Steven Universe et la chanson c'est It's Over, Isn't It, c'est tout à fait ça, avec un super accent anglais. Et du coup c'est Pearl qui chante, qui est la gemme Pearl. Ouais. Pour simplifier la chose. D'accord, ok. Est-ce que tu veux qu'on essaye maintenant un petit extrait? Un petit extrait. Un petit, ça nous suffira. Pour vous faire plaisir. Mais s'il est plus long, on te dira rien, t'inquiète pas. De toute façon, la chanson, elle dure 2 minutes et quelques. Ouais, c'est ça, 2 minutes 12. Donc c'est pas bien long. Alors, je te mets un petit peu de reverb. Voilà, après, je sais pas pour le micro. Ah, mais tu peux t'installer debout. Oui, oui. Parce que quand on chante, généralement, on est debout, je crois. C'est mieux pour la respiration. Ah ouais, c'est vrai. Comme ça, j'ai pas l'habitude de respirer. Tu peux cracher tes poumons. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je chante à CDC. Tu chantes debout. On chante debout. D'accord. Voilà. Ça change du piano debout. Tu chantes debout. Ouais. Je chante très peu d'ACDC car déjà, le métal, j'aime beaucoup, mais je ne sais pas scrimer. Ah oui, j'ai mais pas là, la voix scrimer. Ah, tu scrimes pas quand tu fais ACDC. Non, je scrime pas. Tu prends pas des scrims. Ouais, parce que tu satures un petit peu. Hein? Tu satures un petit peu au niveau de la voix. Ouais. Non, puis même, enfin, j'ai pas la gorge pour. Enfin, Jonathan, fais-nous un exemple de scrim parce que je vois pas ce que c'est. C'est comme ça, tu veux dire? Ouais, en gros, c'est comme dans les musiques. Ouais, c'est du métal, ouais. C'est, tu vois le chant guttural, ce que c'est? Mais bien sûr, évidemment, je connais ça, j'ai ça à la maison chez moi. Non, mais c'est le métal, tu vois, le chant guttural, c'est quand il chante de façon agressive, là. Mmh. Ouais. Oh, bah, t'as également le hard qui le fait. Oui. Le hard rock, certains groupes de hard le font. Mais ACDC, c'est ça que tu vas chanter? Ça scream pas, ACDC. C'est pas ça que tu vas chanter. Moi, je vais pas chanter de ACDC. Oui, en fait, si, ah ouais. J'aime bien le métal. C'est la même technique que le. Bah oui, tu as un t-shirt Iron Maiden. C'est vrai. Ça indique que tu es une métalleuse. Que je suis allé voir en concert. Waouh. En fait, pour vous expliquer, ACDC, c'est du chant guttural aussi, mais dans les aigus. Ouais. Et c'est un nom spécial, je crois que c'est le gring, un truc comme ça. D'accord. Ah oui, ça porte un nom, cette technique. Ouais, dans les écoles de rock, t'apprends tous les styles de rock à chanter les différentes façons. Ok. J'apprends des trucs. Et bah, je sais faire du green. Ah oui, non, mais Yann, je pense pas que tu maîtrises. Non, c'est pas faux. On aurait dit la même chose. Non, non, mais Théo, il sait faire du gring. Par contre, Juliette, elle a maîtrisé. Avant de maîtriser, normalement, tu dois faire des chants gluttérales de base. Le chant. Bon. Si tu vas passer par là, c'est que. Je suis passé à l'étape supérieure direct. Ah oui, voilà, t'es rapide. Si je puis me permettre, qu'on m'excuse si je chante faux, je ne suis pas professionnel. Mais évidemment que je ne suis pas professionnel. Évidemment qu'on t'excuse. On y va. Alors attention, ça s'appelle It's Over, d'accord. It's Over, Isn't It. Ok. Isn't It. C'est parti. C'est pas assez fort. I was fine with a man who would come into our life now and again. I was fine, 'cause I knew that they didn't really matter until you. I was fine when you came, and we fought like it was all some city game. Over her, who she'd choose. After all those years, I never thought I'd lose. It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? You won, and she chose you, and she loved you and she's gone. It's over, isn't it? Why can't I move on? War and glory, reinvention, fusion, freedom, our attention out in daylight, my potential, bold, precise, experimental. Who am I now in this world without her? Petty and always a nerve to doubt her. What does it matter? It's already done. Now I've got to be there for her son. It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? You won and she chose you and she loved you and she's gone. It's over, isn't it? Why can't I move on? It's over, isn't it? Why can't I? Bah moi je dis bravo. Bravo. Ah la vache. Bravo. Bordel. Ouais, je sens un petit peu chez moi, ouais, mon cul. Oui. La gueule, c'est pas possible. Et en plus, ça marche même sans la brosse à cheveux. Hein. Attends, c'est un peu navré parce que je me suis retenue dans ma voix quand même. Oui, ça s'est entendu que t'étais un peu paniqué. Au début, mais à la fin, ça. Mais sinon, franchement, bravo. C'est clair, hein, c'était clair. Tu chantes depuis combien de temps déjà? 3 jours. Toute ma vie, ouais. 40 ans. Oui, depuis toujours, on va dire. Tu me fais penser aux chanteuses. Enfin, là, c'est peut-être la musique qui s'y prête, hein, pour le coup. Chanteuses des années 20 américaines. Ça faisait comédie musicale américaine, ça faisait. Voilà. C'est ça. Edith Piaf en concert, live. Oui, mais pas Edith Piaf, quoi, clairement. Non. On a dit américaine, ça a plus de style, quand même. Mais c'est très beau, bravo. C'est très joli. J'ai fait de mon mieux. J'aurais pu faire mieux parce que je. T'as fermé les yeux. Bah, ça me permet de me concentrer un peu. Ça me permet d'oublier votre présence. Nos têtes. Bah, surtout qu'on faisait des têtes très bizarres. On était là, genre. Oh. Elle y arrive, on était là. Mais elle y arrive en plus, elle le fait. Mais elle chante bien. Ouais. Non, franchement, bravo. Ouais. C'était super cool. Bon, et peut-être qu'on aura l'occasion de profiter de ta voix. Un autre titre. Faut quand même. J'en veux plus. Ouais. C'est clair. C'est enregistré de tout ça, hein, évidemment. Comment ça? Bien sûr, ça sera disponible en podcast. Voilà. On les trouve où, les podcasts? Et bien sûr, indestar.fr ou sur toutes les applications. T'as une application comme ça, regarde. Spotify, je crois. Spotify. Ouais. On est dessus. Ah, c'est tellement bien fait. Et si je l'ai pas, j'ai 10 heures, je crois. On l'a aussi. Quelle belle auto-promo. C'est clair. On fait toujours un moment podcast comme ça dans cette émission-là. Il faut. C'est pour retrouver ta voix. Bah oui. Vous pouvez mettre Juliette en boucle comme après, ça. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est ce que vous voulez. Mais on fait ce qu'on veut. C'est ce que j'ai dit. Vous faites ce que vous voulez. Mais comme je ne suis pas très à l'aise avec ma voix. Oui, mais nous, on est à l'aise avec ta voix. Oui, jugez-moi extérieurement. Je me juge déjà suffisamment toute seule. Mais il ne faut pas se juger. Il faut arrêter de se juger. Parce que la vie est courte. Faut arrêter de te mettre des barrières. Faut profiter et faut surtout pas, comme tu dis, Daniel, se mettre des barrières. Voilà, j'allais dire des bâtons dans les roues, ça faisait plus automobile, mais c'est ça. Il veut y retourner. Jonathan, t'as un truc à dire? Et ouais, j'avais une question. Tu comptes devenir chanteuse? Pas forcément. Alors, ce que je préfère dans le milieu artistique, je préfère le théâtre. Mais comme j'aime bien chanter, j'aime bien les comédies musicales. D'accord. Les Blues Brothers. Non. Non. Bordel de merde. Non, elle va faire les Blues Sisters. Ouais. Et t'aimerais créer ta comédie musicale ou en rejoindre une? Non, plus rejoindre. Enfin, je suis pas très douée pour créer des chansons, donc je préfère les reprises de toute façon. Okay. Je suis pas compositrice. T'es couturière? Non plus, enfin pour amatrice, les reprises très très peu. Pour les reprises couturières. Je c'est peux te recoudre un bouton de chemise si tu le veux. Ah. Parce que tu oui, j'ai besoin. Attends bien. Oh, joli. Il n'a que ça. Daniel, des chemises. T'imagines pas le nombre de chemises qui a perdu les boutons. Il y en a 24. C'est une galère. Je confirme, il y en a quelques-unes. Quelle galère, tu t'es engouffré. J'en ai de la chance. Tu ferais mieux de chanter, hein. Ça te plairait de créer des musiques? Créer des musiques, je sais pas. Ouais, mais d'apprendre à. Créer, ça te plairait. Je crée des histoires dans ma tête, pas des musiques. J'aime bien créer des histoires. Mais créer des chansons, quoi. Créer des chansons, je sais pas, ça me tente moins. Ça te tente moins, ok. Ouais, c'est clair. Parce qu'effectivement, toi, Jonathan, t'aimes bien écrire. Et notamment des mais des il aime pas chanter. Mais si ouais. Aussi. Non, mais Jonathan, tu veux écrire pour Juliette? Bah, moi, je pourrais, écrire. Je l'écris pour des artistes. Je suis aussi un peu développeur artistique. Ouais. Et il a dit pour tes artistes, alors je sais pas si ça va être pour toi. Tu viens de signer au label Jonathan. Je n'arrive pas à t'en rendre compte. Alors, la seule chose, il va faire un financement participatif. En fait, ce qu'on t'a pas dit, c'est que tu es en train de faire The Voice Indestar. Et tu viens d'être accepté par le journaliste Jonathan. Non, mais ce qui est cool, c'est que t'es la seule participante. Donc... c'est pratique. Non, il y a Théo qui va participer. On va voir s'il a le même encouragement. Non, lui, il a déjà participé vendredi. Ouais, mais il a été éliminé. Au premier tour, c'est dommage. Il a même pas pensé. On n'a plus besoin de t'entendre chanter. Non, ça ira. Non. C'est dommage parce que. Alors, j'ai loupé ta prestation. Mais on m'a dit tu peux chanter dans ton podcast. Hein. Attendez, as-tu envie d'entendre Théo chanter? Non. Avec grand plaisir. Non. Je veux me sentir moins seul. Notre invité veut que tu chantes. Non mais hors antenne. Moi, à la limite, je pourrais chanter si. Oui, voilà. Ça oui. Si on met un instrumental sur lequel j'écris une musique. C'est pas faux. Et bah voilà. On va essayer de rechercher ça. Mais il y a Hermance, tu vois, avant même qu'on parle d'Hermance, elle a fait non, moi c'est mort. Ah, juste Payane. Alors, si c'est Payane, c'est toi alors. Ah! Oh purée, ce soir on a. Mais à ce point-là! Non mais tu vas pas être seul à chanter ce soir. Ouais, si tu veux, si tu veux, ce qu'on fait, c'est que j'ai une musique, je fais le chant, toi tu fais le rap. Ça te va? Non! Pour nous, on a dit bah non, le contraire, le contraire serait mieux avec un duo où toi tu rappes et Juliette chante. C'est sympa. Sinon, on peut se réserver ça aussi pour une autre émission. Là, faut que je cherche. Là, je suis fan. Là. J'ai hâte de voir ça, ce que ça peut donner. Les duos improbables d'Indestar. Il y a déjà eu MC Tu Kiffes et Gisèle, hein, je te rappelle. C'est pas faux, mais il en faut plus. Beau duo. J'aime beaucoup la proposition à Teddy. Ouais, moi aussi. Ouais, mais c'est qu'en fait, j'ai écrit une magnifique musique. Magnifique, il a dit. Ouais. Vas-y. Lui, il se joue, mais juge mais positivement. Ouais, il a raison. Il a confiance en lui. Bah, crois en lui. Et le problème, c'est que le couplet en rap, je l'ai un peu raté. Du coup, je cherchais un rappeur pour le refaire. Pour le rectifier. Ah ouais. Ah mais moi je crois pas que ce soit son style du tout le rap. Bah justement, on va s'amuser. Bof. Yann lui gère tous les styles du métal au reggae ou machin, lui il a l'air notre technicien. Ouais, mais bon, lui il est plus doué pour les câbles, hein, clairement. Bah ouais. D'ailleurs Théo, lui il sait faire. Ouais. D'ailleurs, vous avez remarqué, on a plus de problème de câble. Yann est venu réparer. Il est venu pendant la semaine. Oh, ouais, il est passé. C'est pas mal. On le remercie. On a plus de problème de contact, on faut le remercier un peu. On comprend rien ce qui se passe. Voilà. On gueule après lui tout le temps et je tenais à le remercier à l'antenne parce qu'on gueule souvent après lui à l'antenne. Donc Yann, ça te dirait de faire le rap Il est pas là, Yann. Yann, il est pas là. Théo. Ah oui, moi je suis là. Voilà. Okay. Ah, tu les confonds souvent, c'est étrange. Ah, mais ouais. Moi je veux bien faire le rap. Ah non, mais je faut dire que derrière réussir, le micro avec le casque faire. Sur les oreilles. Ok. C'est pas faux. Ok, et bon, on testera ça. Mais ce que je propose, c'est qu'on écoute Avamax avec Justin Bieber. On les a mélangés tous les deux. C'est moins bien là. C'est pas nous qui les avons mélangés, évidemment. Mais ça s'appelle What's the Thing Mood. Dans un instant, Juliette nous prépare un autre titre. Et puis peut-être que, à la fin de l'émission, allez, on s'éclatera, on sera tous un titre. Vous allez entendre le super tube de Teddy. C'est saucisse merguez taboulé, moi. Ça, on l'a déjà fait. Ah bah ouais. Hein, mais... En tout cas, on passe la soirée avec Juliette et c'est quand même notre invitée, donc honneur à elle. Et c'est important. Moi, je chanterai hors antenne, tu vois, à 2h du matin, y a pas de souci. Je veux t'entendre chanter à l'antenne. Mais par contre, non, mais ce que je vous proposerai avant la fin de cette émission, j'ai fait un petit bootleg et j'en aurai deux à vous proposer, donc vous choisirez celui que vous voulez. Il y a les Daft Punk dans les deux, mais c'est vous qui choisirez. C'était où avec les Daft Punk? Non, c'est pas moi avec les Daft Punk, c'est les Daft Punk avec un autre artiste. Le principe d'un bootleg, Juliette, je sais pas si tu connais. Donc il est un artiste. et vous allez en entendre un dans un instant avec Avamax et Justin Bieber. En fait, on a pris l'instru d'une musique et on a souvent le chant d'une autre musique. Voilà. D'accord. Et ça fait une nouvelle chanson. Donc là, tu vas pouvoir entendre Avamax et Justin Bieber ensemble. Et tout à l'heure, j'aurai mélangé les Daft Punk. Alors, il y aura soit avec du Ina, soit avec du Daft Punk et Ina. Rhinocéros. Oui, tout à fait. Ça le fait bien, des Daft Punk et Ina, tu verras. C'est comme... Rammstein et Carly Rae Jepsen, c'est presque. C'est un peu le même, ouais, le même délire. C'est le même délire, ouais. On est d'accord. Restez là, c'est Indestar, c'est l'émission de l'été avec nous. De la musique en abondance. Indestar, là où tout commence. Exactement, les amis. C'est là où ça continue même. En cette soirée de lundi, avec cette émission de vacances, cette émission où on a pris l'avion, parce que nous, on peut, même sans passe sanitaire, pour aller jusqu'au Japon. Et pour aller à la rencontre de Juliette qui. Vient pas du Japon. Ouais. Et non, mais elle nous accueille dans sa maison japonaise, Juliette, qui est notre invitée ce soir, et on parle. Tu as une maison japonaise? Non. Bah, maintenant, si. Oui. Imaginaire, mais tu l'as maintenant. Il y a une maison dans la rue qui est une maison japonaise. Ouais. Mais voilà. C'est pas la mienne. Bah, voilà. Maintenant, si. On s'offre une maison là là-bas, voilà. Bah écoute, j'irai chez eux, hein, on verra. Enfin, on te l'a offerte, du moins. Je m'installe. Et donc, Juliette qui chante notamment des openings de manga, tu aimes aussi la chanson française. Oui. Est-ce que. Alors, attends, je te laisse choisir, parce que dans les bandes-sons que tu nous as ramenées, on a Une belle histoire de Michel Fugain, donc là, on est carrément dans la chanson française, ou sinon, j'ai Patsy. Patsy, c'est une fille. Faut savoir. Voilà. Voilà. C'est une dame. C'est une dame. C'est un humain. Elle n'est pas forcément hyper connue, mais. Non, ben moi pour moi c'était quelqu'un qui avait fait la Starac. Mais c'est, oui, il y avait un truc du genre. Moi je pensais que c'était revenu, Pacino, c'était Pacino, mais avec une photo d'orthographe. C'était Pacci. Pacci. C'est Pacino. Ouais. Pacci. Là c'est Pacci. Pacci, Pacci, Pacci. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu veux chanter, Juliette? Bah, je sais pas trop, parce que du coup, c'est pas trop l'ambiance de la soirée, la chanson française, mais... Non, mais moi, ça me va. Je... Il va enfin connaître quelque chose dans la soirée. J'aime bien les deux. Mon père m'a dit que Nino Ferrer, La Belle Histoire, faisait plus vacances que Patsy, mais j'aime beaucoup Patsy. Donc, Vois ta main levée, qui préfère quoi. Ah, oui, vois ta main levée. On va se faire les deux. Non, non, mais on va se faire les deux, en vrai. T'es pas obligé qu'on fasse... C'est pas obligé qu'on fasse les deux. Si, si. Bon, on s'en fait une maintenant. Qu'est-ce que tu veux chanter maintenant? Et puis, on fera une autre dans... le cours mieux. De la soirée. Écoute, on fait un petit bout d'une Patsy Liverpool. Allez, parce que, Patsy. Ben, voilà. Allons-y pour Patsy. Attends que je réinstalle le micro quand même. Oui, bien sûr. On te laisse. On s'installe. Te réinstaller en mode chanteuse. On respecte les artistes ici. Les paroles au cas où j'ai des trous de mémoire parce que c'est quand même mieux. Certes, oui. Et Jonathan nous a ramené aussi des paroles et tout à l'heure on aura le droit à une interprétation de Jonathan. Ah, c'est pas moi qui chante du Jonathan? Bah, du Joyce Jonathan. Non, j'ai juste Jonathan du coup. Jonathan. Oui, on dit Jonathan ou Jonathan, effectivement. Je crois qu'on peut dire les deux en vrai. Bah, moi je dirais Jonathan, mais. Ouais, mais Joyce Jonathan. Ouais, à l'époque on disait Jonathan, effectivement. Ah. Ouais. Alors, on va couper la musique de fond, évidemment, parce que là ça fait toujours les moche. Sims. Mais c'est que si on met les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Ça fait moins bien pour placer les musiques dessus quand même. Et on y va pour Patsy avec improviser. Le Liverpool. Voilà. C'est ça le c'est titre. Ça. C'est Liverpool. Ça parle vite fait de John Lennon. D'accord. Vite fait. Vite fait un peu quand même. Oui. 3, 4. Il s'écroule au petit matin. Son canapé jaune d'étain. Il y a des jours quand la pluie coule, où toutes les villes ressemblent à Liverpool. L'imperméable collé à la peau, la barbe enfoncée à coups de marteau. Il revoit le fil de la journée et même pas un mec à qui parler. Les yeux dans le vide, plantés dans son jean, il écoute John Lennon. Les yeux dans le vide, plantés dans son jean, il écoute John Lennon et il imagine. Immobile et sans illusion, les yeux rivés à son plafond. Il y a des jours quand la pluie coule, où toutes les villes ressemblent à Liverpool. Il s'allume une autre cigarette. Il met son Walkman sur sa tête. Le cœur cassé mais plein d'espoir, il rêve de partir loin et de tout voir. Les yeux dans le vide, planté dans son jean, Il écoute John Lennon et il imagine les yeux dans le vide, planté dans son jean. Il écoute John Lennon et il imagine les yeux dans le vide, planté dans son jean. Il écoute John Lennon et il imagine les yeux dans le vide, planté dans son jean. Il écoute John Lennon et il imagine. Ah, c'est fini. Ah merde. Non, c'est fini. Ah, c'est fini. Il y a 30 secondes d'outro. Encore. Mais ouais. Par contre, comme je connais pas la version originale, non. Bah pour moi c'est la version officielle, tu vois. et bah c'est, en fait c'est comme une musique, tu sais, une vraie, tu vois, qui passe à la radio. Pour moi c'est la même chose. Ah mais et tu reconnais pas le rythme de Imagine de John Lennon? Bah non. De toute façon, ça parle de John Lennon. Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'on a le rythme, alors qu'un petit peu, différent hein, dessous, mais on a quand même la reprise de Imagine de John Lennon qui est rejouée dans cette chanson. Ouais, mais il est dépassé. tu peux pas dire ça de John Lennon. Si, maintenant, il y a Juliette. Bravo, Juliette. Bravo. C'est compliqué. En vrai, c'est compliqué de chanter parce que, comme je suis quand même très stressée, je meurs de chaud et j'ai la tête qui tourne. Et du coup, chanter quand t'as la tête qui tourne, alors, c'est compliqué. Je sais pas si c'est parce que t'es stressée que t'as la tête qui tourne et qui fait chaud. Peut-être la chaleur. C'est peut-être un mix de tout. Oui, non mais en par tout contre, cas, un grand bravo, c'était t'as vraiment super jamais bien. Envisagé de chanter pour de vraies chanteuses, enfin un vrai chanteur, enfin chanteuse. Je non, j'ai jamais envisagé non, parce que je ça me fait peur. Je voulais je juste pourquoi mais ça serait peut-être une bonne chose en vrai. Ça serait un service à la nation, je pense. il faudrait que je prenne des cours quand même. Ouais, oui, bah non, pas forcément. Non mais t'imagines sans cours, on peut s'entraîner. Oui, voilà, c'est ça. Sans cours. Bah après j'ai plus de 10 ans d'expérience en solo hein. Oui, mais sans cours. Moi je suis je peux déjà donner des cours de développement artistique, donc après on a faire de la création. Ouais, c'est ouais. Ça. Non mais moi je suis en vrai je suis vraiment impressionné par par ta voix, par ta justesse, par tout. Et t'as fini. Alors... Moi, j'ai quand même l'impression de chanter faux quand je chante. Hein, mais... Non mais t'as fini par français. C'est peut-être tes oreilles qui sont fausses. Qu'est-ce que t'en penses, Herman, toi qui connais un peu quand même. Ah attends, peut-être que le micro il s'est désactivé. Ouais, alors je disais que ça y est, je bug. C'est vraiment une super voix et il y a tu vois, tu fais bugger fausse note. Non mais c'est vrai hein. Ouais. T'as une super belle voix c'est et c'est elle n'est pas moche. Je rougis intérieurement mais il y a eu des fausses notes mais elles sont presque c'est presque ce qu'il faut. C'est presque des bonnes notes. En plus, voilà. En plus t'es monté haut, t'as tenu la note, t'as monté assez haut, t'as tenu la note, t'as fait des changements. Alors donc pour les tours de chant de Juliette, appelez Indestar pour prendre rendez-vous. Par contre, un reproche que me faisait mon prof de musique au collège, c'est que souvent je changeais de voix pendant la chanson parce que genre ça partait trop aigu et moi je suivais plus et du coup je repartais dans le grave. Et du coup c'était pas non, mais ça tu l'as fait, mais les professionnels vont l'auront remarqué. Mais est-ce que elle a le droit de faire ça? Oui. Ouais. Non moi je tout à fait bien. C'est un peu moins beau quoi. Ou non. Non, ça dépend. Je suis pas d'accord. Tout dépend de la musique. C'était beau. Là tu l'as fait à bon escient là. Oui. Non mais ou pas parce que des fois en fait quand tu maîtrises pas parce que c'est trop voilà, vaut mieux des fois redescendre d'un ton pour chanter juste plutôt que d'essayer de partir. Un et geste puis, maîtrisé, fois. Une passe réussie, c'est un but. si je puis me permettre de me faire une petite pause quand même, c'est un gros big up, on va dire, à mes parents qui m'écoutent et mon papa qui m'envoie des messages après chaque chanson c'est pour vrai. Me féliciter. Mais oui, mais c'est cool. Il a raison, papa. Et ça me fait plaisir énormément. Comment il s'appelle, papa Juliette? Victor. David. Ah, c'est David, c'est pas bisous à David. Ma maman, quand même, qui s'appelle Séverine. Eh ben bisous. Ça s'appelle pas Victor non plus. Comme quoi, il n'y a pas que des Victor dans mon entourage. Victoire, ça pourrait être victoire. Victoire d'avoir fait une fille qui chante aussi bien. Non mais en vrai, ça m'arrive peu. Alors en live un peu plus, mais ça m'arrive quand même avec. Alors là, il va désinguer une bonne partie de nous. Tu me fais monter les larmes aux yeux. En vrai, je te jure, ça fait deux chansons. C'est peut-être la chaleur. Mais non. C'est de la transpiration. Oui, c'est ça. Non, je te jure, ça fait deux chansons. Ça fait deux chansons que tu me fais monter les larmes aux yeux. Ça veut dire qu'il y a de l'émotion et bravo. Franchement, meilleur qu'à la frie. Non. Si. Si vous connaissez pas Anna Free, c'est la chanteuse préférée Théo, hein, clairement. Mais visiblement non. Mais là, non, parce qu'Anna Free, j'ai jamais vu pleurer devant Anna Free, hein. Mais parce que en live, si j'ai pleuré en live. Ouais, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Donc je me fie à ce que je vois. Du coup, Juliette au-dessus d'Anna Free. Non, mais en tout cas, c'était très bien. Et j'ai hâte d'être la prochaine. C'est une petite chanteuse lambda comparée à toi, hein, clairement. On l'écoute. Petite chanteuse lambda, c'est la première fois que je chante en public, mais très bien. Ouais, on écoute en public, on va dire. Comme quoi, faut commencer fort. Tous les artistes Disney stars sont bons, mais Juliette, c'est vrai qu'en live, non, je suis assez impressionné. D'ailleurs, la pote d'Anna Free aussi est bonne. La pâte. La pote. Ah, la pote. La pâte d'Anna Free est peut-être bien aussi, mais bon. Oui, pourquoi tu veux qu'on écoute Mia Rose? Bah, je sais pas. Moi, je voulais écouter Kevin plutôt. Ah merde. Vas-y, Kevin, chante. Non, je laisse ma place. Hein. Kevin, tu nous as préparé un sujet manga, j'imagine. C'est le thème de la soirée. Oui. Ou en tout cas, qui tourne de la culture japonaise. C'est quoi exactement? Alors, c'est un sujet sur KoroQuest. Alors, qu'est-ce que KoroQuest? C'est une bonne question. Pour comprendre, faut connaître l'animé de base, j'imagine, oui, un petit peu. Oui, faut connaître Assassination Classroom. D'accord. Qui est justement... Alors attends, jouer à une classroom, c'est la classe, hein. Ouais. Oui, c'est la classe. Assassination, ça sent pas bon, quoi. Bah, c'est une classe d'assassinat. C'est une classe d'assassinat. On est d'accord. Il y a un petit speech, vas-y. Oui, pour résumer très vite fait Assassination Classroom, c'est un manga où le gouvernement demande à des élèves d'une classe poubelle de tuer leur prof. D'accord. Qui connaît dans l'assemblée là? Bah, moi. Tout le monde. Hein. Tout le monde a vu. Voilà. Non, merci Jonathan. Merci Jonathan. Et même moi je connais. Hein. Oui. D'accord. Mais enfin, j'ai regardé avec lui. Hein. On peut rajouter quelque chose sur ce prof. On peut peut-être préciser que le prof est un gros monstre poulpe jaune. Oui. Oui. Hein, quand même. Se déplace à vitesse Mach, je sais plus combien en fait. Mach 20 et qui peut. Non, pour te donner un exemple, il peut nettoyer des avions de chasse en vol. Ah oui. Parce qu'il aimait bien sticker les avions de chasse, ils étaient ça. Donc voilà, il se fout de la gueule en fait du gouvernement, voilà. Clairement. Il leur a posé un ultimatum. Ouais. Au bout d'un an, je fais exploser la Terre. C'est au bout d'un an, ouais. Sauf si vous arrivez à me tuer ou un truc du genre. Il a cassé la Lune déjà, je crois. Oui, il a fait exploser la Lune à titre d'exemple. Ouais, sans s'amuser. Il a fait un exemple. Donc il vole. Oui, il peut voler, il a des tentacules et il est prof. Il voulait être prof. Du coup. Prof de quoi? Prof d'assassinat. Ah oui. En gros, il fait toutes les matières. Il leur apprend à assassiner parce que, ouais, lui, il se fout de la gueule des gens. Le gouvernement a essayé de le buter, ils ont pas réussi. À quel moment dans l'éducation nationale japonaise tu as des cours d'assassinat? Alors, mais parce que c'est normal au Japon. Théo, t'inquiète pas, quand on te file 20 millions d'yens, toutes tes questions disparaissent. Ouais. Mais tu fais quoi ce matin? Je commence à 8h, j'ai cours d'assassinat pour commencer. Non, bah, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, il y a que la classe. Il y a que leur classe qui est au courant, mais pas tout le lycée, tu vois. Ah, ok. Il y a que la classe. Et il doit rester ça secret. C'est un secret d'État. C'est une spécialité, en fait. Ouais. Non, mais c'est une spécialité assassinat. En tant que Théo, j'ai l'impression qu'il regrette de pas avoir eu de cours d'assassinat, moi. Non, c'est peut-être possible. Mais bon. Ça va révéler pas mal de choses dans ce manga. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le prof s'appelle Koro, du coup. C'est un poulpe jaune. Koro qui, en japonais, veut dire impossible à tuer. Voilà, parce que c'est un truc qui se déplace plus vite que ta balle, c'est compliqué, quoi. Ouais, non, mais on est d'accord. Et KoroQuest, ça découle de ça, on est d'accord. Voilà, KoroQuest, c'est le spin-off qui se passe dans un jeu RPG. Justement, on retrouve Koro Sensei, on retrouve tous les personnages de Classroom qui doivent monter de niveau pour justement réussir à tuer leur prof. Sauf que, forcément, si c'est juste ça, c'est trop facile. Mais chaque élève a quelques petits bugs. Il y a des élèves qui sont trop forts, mais il y en a qui sont buggés. Mais buggés, c'est même pas des bugs, c'est des malus du coup. Non, parce que c'est sciemment qu'ils ont fait ça. Bah, l'animé, c'est sciemment, oui, forcément. Voilà. Mais. Ça, oui, c'est quoi, ils appellent ça bug. Correspond, ouais. Ça correspond à un fonctionnement comme un bug, c'est ça. C'est ça. Ouais. Genre, ils se déplacent trop rapidement dans la vraie vie, du coup, dans le truc, tu le vois. Ça peut être un genre de truc comme ça, d'accord. Donc, j'ai relevé quelques petits bugs, on va dire certains amusants, d'autres un peu moins. Il y a notamment Nagisa qui est le personnage principal. Nagi. Celui qui a les cheveux bleus. Non, c'est pas Nagi, non. N'oubliez pas les paroles. Non, c'est pas lui. Donc lui, son bug est aléatoire. Il peut aller de se polir tout seul à remonter le temps, mais en oubliant d'effacer la mémoire. D'accord. Se polir tout seul. Voilà, comme c'est de la roche. D'accord. C'est un bug. Ok. Ouais, il est tout propre après. Ça doit être désagréable comme sensation de se polir tout seul. Je pense. C'est vrai qu'on n'a jamais pris de Spontex. C'est plutôt compliqué. Fais-le à l'éponge, hein, c'est moins rugueux. J'ai déjà fait à la paille de fer, mais... ça décape, ouais. Ouais, ça décape pas un peu. Idée. Ouais. Après, donc, il y a Karma Akabane, qui est l'ami de Nagisa, qui a les cheveux rouges. Et... Rebelle dans l'âme. Voilà. Beau gosse dans l'âme. Un petit diable aussi, on peut rajouter. Avec les cheveux rouges, ouais. C'est... Ouais, non. Oui, forcément. Ça me rappelle, tu sais, ça me rappelle le personnage de... Il était une fois la vie. Non. Lequel? Bah non. Attends, c'est bah, pas le Léonard de Vinci. Ouais, mais c'est le méchant, lui. C'est... Ah oui, oui, oui, c'est le méchant. Il y, a le, ah. il y a le balèze et le petit méchant. Exactement, le teigneul. C'est un des petits méchants. Bah, c'est pour ça, ça me faisait penser au diable. Ah ouais, non? Ah non, lui, il a la classe. Hein. Bon, d'accord. Ah, non, ah c'est ouais, pour lui, non, oui. Et lui, que ce soit dans le manga ou dans le spin-off, c'est le premier élève à avoir touché Koro-sensei. C'est... Il n'y en a pas eu d'autres en premier. Et donc, lui, son bug dans le spin-off, alors, ça va faire sourire, vu que son bug, c'est... Plus il prend quelqu'un de haut, plus ses stats de chance diminuent. Ah oui, donc il doit, c'est être... pas de bol. Il doit être humble. Bah voilà. Ouais, mais sauf c'est... Qu'il pas. C'est contraire à sa personnalité, mais clairement. En même temps, quand tu t'appelles Karma, forcément, ouais. avoir ça... Tu joues cool dessus un peu. Voilà, tu joues un peu dessus. Après, donc, le dernier qui est pour moi le plus amusant, c'est Yuma Isogai, qui est le délégué de classe de la 3ème E. Ah oui. Et donc lui, oui, vu que même là-dedans, il y a des délégués. Ah, bien sûr. Et puis il y a des 3ème E. Voilà. Bah ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a tout. Et donc lui, son bug... E. Et donc lui, son bug dans le spin-off, c'est le problème, sa famille est pauvre. Et vu qu'il faut s'acheter de l'équipement, bah il a que la face à vendre l'équipement. Ah mince, s'il se fait attaquer à l'arrière, il est mort quoi. Voilà, il a pas d'équipement à l'arrière. Ok. Sa famille est tellement pauvre. Ne jamais tourner le dos à l'ennemi. Voilà, moralité, oui. Bah, moralité, tu tires couché par terre, hein. Voilà. Sur le dos. Pas faux. Ouais. Dos, tu rampes, hein, pratique. Exactement. C'est bien si ça te démange le dos, tu te grattes en même temps. Là, exactement. Au moins, t'as pas d'armure pour te gêner, oui. Bah ouais. Oui. T'es plus léger aussi, ça peut être un avantage pour courir ouais. plus vite. Il y a combien d'épisodes dans ce spin-off ? Il y en a 12. 12. Donc il y a une saison seulement ? Oui. Ouais. En sachant qu'Assassination Classroom. À tes souhaits. Voilà, merci. Assassination Classroom, il y a deux saisons, je crois. Il y a deux saisons. Ouais. De 12 aussi, je crois. Non, la première, je crois que c'est 25 et la deuxième, 27. Ah ouais, non, c'est pas pareil. Non, c'est un peu plus long. Grosse saison quand même. 25 ouais. et 27 épisodes, ça. Aussi. On a connu bien plus long. Ah ouais ? On a connu bien plus long, oui. Mais ouais. ça reste génial comme manga parce qu'en gros, alors bien sûr, il apprend à ses élèves à le tuer. Oui. À tuer lui plus que quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est bizarre d'apprendre à tes élèves à te tuer quoi. Ouais, mais c'est le jeu. C'est un mec un peu suicidaire. Mais il leur apprend aussi la vie. Et voilà. Il est très bon en fait comme prof tout court. Et ça a été, ça a été le meilleur prof d'ailleurs du collège. En c'est plus. Vrai. Était... Tous ses élèves ont réussi leur carrière, ont réussi leur projet en fait. Bah non, ils ont et pas pourtant, tous c'était... réussi à le tuer. T'en sais rien. T'en mais c'est rien. Pas faux. Mais non, c'est pas ça. Ils ont réussi leur projet personnel, on va dire. Leur projet de vie. Ouais. Genre, par exemple, il y en a, il veut être. Je sais plus. Grâce à ce. Tu sais, le gros balourd un peu lourdo, pas très futé. Voilà. Lui, il veut être diplomate, bah il devient l'assistant d'un diplomate. D'accord. Exactement. Mais en fait, il fait conseiller d'orientation en même temps. C'est, voilà, ça, c'est il fait prof de vie en fait. Okay. Techniquement, c'est un peu un c'est papa cool, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que ça va être très difficile à buter au bout d'un moment parce qu'ils vont s'accrocher à lui. Bah, je comprends. Et justement, bah il y a la partie conflit qui arrive aussi dans le manga. Forcément entre la classe. Ah oui. Entre ouais. ceux qui veulent le buter. Et ah oui, il y a deux camps. Il y a le camp voilà. des buteurs et le camp des ceux des pas qui buteurs. Veulent que la terre explose et les autres. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que le héros principal, lui, son influence, ça, enfin, il avait pas de vie. Il savait pas quoi faire. Et c'est une classe poubelle, hein, je le rappelle. Oui. Donc c'est les déchets du lycée. Voilà. C'est ah ceux ouais, qui ont les pas eu bons. Les bonnes... Et ils réussissent bien mieux que les autres, hein, pour le coup. Lui, il va devenir prof. Oui. Ah, ok. Et il va appliquer les mêmes méthodes que. Mais pareil, que son ancien professeur. Prof en... Alors prof dans des lycées à problème. Ouais. En ZUP, comme on dirait par chez nous. Sauf qu'on vous apprend à buter les autres, c'est bien. Eh ben, figure-toi qu'il leur dit aux élèves, vas-y, essaye de me buter, t'as un an. Et il leur dit la même chose. Parce que l'élève a voulu le buter ouais. au début. Par contre, lui, il est humain. Oui, d'accord. Mais ils y arrivent pas quand même. Hein. Mais... Enfin, ça, on le sait pas, mais bon, en théorie, voilà. Sinon, ça s'arrête. Ouais, c'est pas voilà, faux. Dommage. Il esquive pas les balles encore. Non. Ou si c'est le cas, on l'a pas vu faire. C'est pas faux. T'as un deuxième manga à nous parler. Oui, mais peut-être après la coupure. Ah, tu veux qu'on écoute Mia Rose ah. T'as envie d'écouter Mia Rose ouais, je par le exemple. Sens dans tes yeux. Par exemple. Et ben, on va écouter Mia Rose qui reprend Ellie Goulding. Ça s'appelle Burn sur Indestar dans cette émission. Je dirais pas avec l'accent français. De quoi avec Burn ? Tu fais comme ça. Et c'est sur Indestar dans cette émission de l'été, évidemment, avec Juliette qui est notre invitée ce soir jusqu'à au moins 23h. Indestar, là où tout commence. C'est lundi soir, c'est l'émission des vacances. Et pour ces vacances, on a invité Juliette déjà ce soir. Et on parle de culture japonaise, notamment de manga et d'opening de manga, puisque c'est ça que tu aimes chanter, Juliette. Avec Kevin, à l'instant, on a parlé d'un premier animé qui était, rappelle-nous le titre, Koro Quest. Et ça, un il veut petit pas peu Assassination Classroom. Non, pas du tout, je vais pas du tout. Pas du tout. Et maintenant, on va en parler d'un deuxième, je crois. Oui, de Death Note. De Death Note. Alors, Death Note, je connais, ça fait ça. Ah, bien sûr que tu connais. Il jubile. Alors, c'est bien d'être à la technique. Du coup, Théo, tu connais bien, du coup, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Je te laisse en parler. Évidemment, alors Death Note, en fait, c'est y a la mort hein, dedans, parce que c'est le côté death. Ouais. Le côté note, c'est parce qu'il joue de la musique aussi. C'est qui va mourir? Eh bien, je dirais que c'est le grand chef. C'est un peu un chef qui meurt. Hein. C'est la victime. Non, je. Merci Théo. Je voudrais faire une précision. C'est la victime qui meurt. Oui. Oui, mais c'est la. Oui, exactement. Merci Daniel. Il n'y a pas que les victimes qui meurent aussi. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Ouais. C'est très sympa la mort dans Death Note. Voilà. Donc il y a beaucoup de morts. C'est comme ça je résume. C'est surtout comment mourir dans Death Note. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Parce que tu meurs pas normalement. Non, c'est pas conventionnel. Non, totalement. Et donc dans Death Note. Donc alors de base c'est un shonen. Un shonen. C'est l'équivalent de nos trucs pour enfants, on va dire. Ah, c'est genre les bisounours. Oui. Adolescent. Oui, adolescent, ouais, enfant. Parce que Death Note, c'est pas très enfant, quoi. Oui, surtout. Ouais, c'est adolescent. Il est presque entre les deux, en vrai, entre shonen et seinen, je trouve. Pour moi, il est plus seinen que shonen. Ouais. Alors, seinen, attends, c'est pour adultes. Donc justement, seinen pour adultes. Okay. Et il est un peu entre les deux, quand même. Là, on est à adolescent de 17 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est bien. 17, voilà, plus par là. Et donc, c'est un manga, comme tu l'as dit Théo, qui parle de mort. Évidemment. Avec un nom comme Death Note, ça pose le décor. Oui. Et donc, dedans, la particularité, c'est qu'on meurt par un cahier. D'où le terme note. Ouais. Voilà. Cahier de la mort. Cahier de la mort. Et donc, c'est un cahier qui a des pouvoirs magiques. Enfin, magiques. Plutôt maléfiques, je dirais. Mais c'est pas faux. Voilà. Ils peuvent être magiques quand même. Hein. Tu écris un nom dedans, tu le rayes et la personne meurt. T'es même pas obligé de rayer, je crois. Si. Tu écris même juste le nom. Logiquement, tu peux écrire la cause de ce que se passe-t-il si tu fais une faute d'orthographe au nom? Il meurt à moitié. Alors c'est... Bah non, il meurt pas. Non, il meurt pas. Par contre, il y a plusieurs conditions, mais oui, t'écris le nom de la personne, elle meurt dans les 30 secondes d'un arrêt cardiaque. Voilà. Je crois c'est 30 secondes. Enfin. C'est un truc comme et ça. Et pourquoi écrire des prénoms dans le carnet pour les barrer après et pourquoi faire mourir les personnes? Ça c'est... dépend de d'où vient le cahier. Alors, le cahier vient d'un Shinigami, donc un dieu de la mort, qui s'appelle Ryuk. Qui en a déposé un, vu que de base il en a eu deux, mais il s'ennuyait dans le monde des dieux de la mort. Donc monsieur s'est dit, oh tiens, ça pourrait être fun d'en déposer un pour voir ce qui se passe. Et pourquoi il les écrit lui, de base? Pourquoi un dieu de la mort aurait besoin d'un cahier pour tuer des gens? Bah parce qu'il est dieu de la mort. Ah non, pas uniquement, bah, les dieux de la mort peuvent mourir, c'est ça le problème. Ils peuvent mourir, oui. Et du coup ils tuent des humains, pour en gros ils prennent la moitié de sa vie à l'humain. Et alors lui, le dieu de la mort, il est vivant? Enfin, il est potentiellement créature magique, on va dire. Voilà, c'est une licorne. Mais est-ce qu'il est... Ou l'opposé d'une licorne, c'est comme on veut. Est-ce qu'il est sur Terre ou est-ce qu'il est au paradis déjà? Il est dans le monde des morts. Il est dans le monde des morts. Il est dans le monde des dieux de la mort. Okay. Tous les dieux de la mort sont dans le monde des morts. Voilà. Et il regarde le monde des humains et il tue des humains de temps en temps pour rallonger leur vie. Genre, tiens, lui doit mourir à 82 ans, je le tue. Donc maintenant, pouf, je récupère la moitié, 41. D'accord. Et comme ça, ils y vivent. Je comprends le principe. Par contre, ils sont chiés parce qu'ils sont immortels. C'est un peu égoïste, mais je comprends l'idée. Bah non, c'est la vie. Pour eux, c'est la vie. J'imagine le côté un petit peu compliqué parce que tu... Enfin, je m'imagine en tant qu'humain. Je me dis, c'est chiant. Ah, mais ils ne savent pas, ils connaissent pas. Non, mais c'est chiant d'être immortel. Tu vois? Ouais. Parce que tu t'ennuies, effectivement. Ah bah, ils sont mais clairement chiés. Mais en même temps, si tu sais que tu peux récupérer des années supplémentaires... Sinon tu vas mourir et que tu connais ta date de mort, je pense que c'est tentant. C'est-à-dire que quand la mort arrive, tu te dis ah, peut-être faire quelque chose, même si t'as plus forcément envie de vivre. Mais tu vois, l'instinct de survie fait ils ont envie de s'amuser. T'as toujours. C'est pour ça qu'il lâche le deuxième Death Note d'ailleurs. C'est juste pour il s'amuser. Il en a pris un deuxième, il l'a lancé dans le monde des humains. Il s'est dit tiens, on va voir ce que font les humains avec. Pouf. Et bah, par contre, j'ai une petite question là, peut-être idiote, mais donc tu récupères la moitié de la vie, en bonne santé. Si le type avait le cancer, tu récupères pas son cancer. Non, tu récupères non. pas son cancer. Okay. T'es un dieu de la mort, donc un cancer. D'accord. Tu récupères balle, son espérance de vie, en fait. D'accord, que l'espérance de vie. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'il va tomber entre les mains de... Light Yagami. Ouais. Qui est justement... Quelqu'un de... Au début, gentil. Qui est... Au début, il veut juste tuer des criminels. Il veut juste tuer. J'adore cette phrase. Au début, il est sympa. On va dire qu'il est mu de bonnes intentions. Il veut tuer tous les criminels pour avoir un monde utopique. Ouais, il fait sa justice, quoi. Voilà. Sauf que le problème, quand t'as un pouvoir comme ça, après, ça dépend. Faire justice en tuant, c'est peut-être pas la meilleure des justices. C'est pas la meilleure des justices. Techniquement, mais bon. Mais le problème, c'est qu'il fait également pas la différence entre des vols, donc des petites infractions, on va dire. Le mec, il a volé un portefeuille, elle est. Il devient vite mégalo, quoi. Voilà. Et puis même si tu le fais chier un peu trop longtemps, bon bah je te bute. Voilà, c'est réglé. Ça. Et à la fin, justement, il passe, ça devient le méchant. Ok. Par contre, il était un jeune lycéen tout à fait ordinaire. Oui, de base. Ordinaire, pas totalement, parce que c'est un génie aussi. Il a peut-être eu Koro comme professeur alors. Non. Non, bah, non lui, il a pas. Non, alors, il aurait pu le buter direct. Sans foi ni loi, clairement. Parce qu'il a juste rayé son nom. Question toute bête. A ton avis, il aurait mis juste Koro dans le Death Note, ça aurait marché ou il aurait fallu le vrai nom de Koro? Je pense qu'il aurait fallu le vrai nom. Parce qu'effectivement, les pseudos, genre, je sais pas, toi Théo, on peut pas te buter. Ah, c'est sympa ça. Parce que on te connaît tous sous le nom Théo, mais on connaît pas ton vrai nom. Ah, j'ai un vrai nom? Peut-être. Techniquement, je pense que oui. D'accord. Et, okay. Par contre, il faut ton vrai nom et l'image de la personne. Et le nom de famille aussi, non? Le nom de famille, oui. Ouais, ouais, parce que sinon, tu mets tu mets Théo. Oui, tu mets Théo, tu tues tous les Théos de la planète. je comprends. Mais ça fait un peu gourou quand même. Enfin, tu vois, un peu science maléfique. Ah, mais c'est totalement. C'est le but du manga. Ouais. Non, mais c'est justement à l'époque où il est sorti. Donc, il est sorti de 2003 à 2006 dans le Shonen Jump, qui est le magazine au Japon. Ouais. Et justement, c'est un des premiers mangas qui a parlé de ça. Vu que c'était à l'époque, c'était les Naruto, les Bleach, les mangas un peu gentils, on va dire. Ouais. Et donc, d'avoir un manga comme Death Note qui est sorti à cette époque-là, ça a un peu tout révolutionné. D'accord, et après, il y a eu plein de mangas méchants qui sont sortis. Sans doute. Il y en a eu qui ont dû suivre le mouvement, ouais. Ouais. Ok. Mais. Justement, Death Note a révolutionné le manga. C'est vachement intéressant parce qu'au début, tu vois, il va se mettre à tuer des criminels et tout ça. Il va mettre les plus célèbres, ceux qui passent à la télé. Il va même tester le Death Note pour voir si. Parce qu'au début, il est intelligent, il pense que c'est une blague. C'est vrai que tu trouves un cahier de la mort, t'as une règle en plus. Le dieu de la mort a écrit les règles du cahier. Ce qu'il faut pas, c'est écrire son propre nom et le barrer parce que sinon. C'est pas faux. Mais je pense pas que c'est Jeff. Faut pas écrire tes cours non plus. Si tu te trompes, tu peux gober quand même. Eh non. Ah non. Faut pas rayer alors. Par contre, il y a plusieurs utilités à ce cahier et c'est ce que Light va essayer d'exploiter au maximum parce que tu peux. En fait, quand tu tues la personne, t'écris son nom, elle meurt d'un arrêt cardiaque. Ouais. Sauf que si tu tues beaucoup de personnes comme ça, ça fait louche. Et c'est ce qui va se passer dans le manga. Il va tuer tellement de monde qu'on va se poser la question. Comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui meurent? Il va y avoir des enquêtes et tout ça. Il va y avoir des enquêtes policières, mais va trouver la raison. Il va faire passer un message officiel sur un plateau télé, si je me trompe pas. C'est Sakura TV, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Il va dire je suis Kira, donc Dieu, clairement en japonais. Ouais. Je suis là pour purifier le monde. Enfin, délire de mégalo. Il va c'est le dire. Tueur. Alors, c'est moi le tueur. Ouais, mais il dit pas qui il est. Voilà. Et il monte pas sa tête. Allez. Et du coup, il va y avoir une grosse enquête mondiale pour savoir qui il est, avec un enquêteur légendaire qui est non seulement le premier enquêteur au monde, mais aussi le deuxième, mais aussi peut-être le troisième. Non, je sais pas, j'exagère. C'est tout en gros. Tu peux le tuer en un tour de main. Suffit de marquer son prénom ou son nom et puis hop, tu rayes. Ouais, mais son nom n'est pas. Personne le connaît. Ah, cet enquêteur. C'est ça le problème. Et justement, il s'appelle Elle. Voilà. Elle. Elle. Voilà. On le connaît que sous le pseudo Elle. On dirait tu sais, dans les James Bond là. Les M, les. Ils ont des. Qui c'est qui l'a tué? C'est elle. Mais du coup, qui c'est elle, le monsieur? Mais non, tu m'as dit que c'était elle. Tu pourrais te dire que c'est difficile d'enquêter sur ce genre de personne parce que tu peux pas le retrouver, hein, mec. Déjà, faut trouver le concept. C'est dit, je trouve que c'est un peu difficile d'enquêter sur ce genre de personne, non? Ah oui! Putain, j'ai la comprendre. Bravo! Mais oui, parce que tu peux pas savoir qu'il y a un cahier, que les dieux de la mort existent, que voilà. Et ben, elle, il va réussir à déterminer. Ça, je dirais que c'est trouver. Un plus gros génie que Light. Il va clairement. Réussir à tout trouver, quasiment. Bah ouais. Mais. Non. Bravo, mais... Oh, j'ai failli spoil. Ouais. Si, on peut le dire en vrai. Hein. C'est 2003-2006 Voilà. On est en 2021 Voilà. Elle, il meurt. Attendez. Ah non. Trop tard. Vous l'avez tous vu? Oui. Non. Non, ça l'avait pas vu. Juliette, tu l'as je vu. Je crois qu'on est les deux ans. Non, moi je regarde pas là. Je l'ai peut-être pas vu, mais je savais qu'il. Parce qu'en fait, ma soeur m'a tellement. Ah, elle a spoilé aussi. Elle connaît toute l'histoire en fait. Elle m'a pas spoilé, c'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, à force de m'en parler, et puis même en traînant sur internet, forcément. T'as vu la mort de elle? J'ai pas vu sa mort, mais j'ai su qu'il était mort du coup. Ouais. Ah, mais ça, c'est qu'à milieu de saison. Ouais. Bah après, il se passe quoi? Et ben après. Non, pas trop spoiler non plus. Voilà. Bon, d'accord. Non, pas trop pour. Mais ça fait partie de l'histoire, donc en théorie, c'est pas vraiment un spoil et je dis pas à la fin. Donc non, c'est pas un spoil. Ok, on dit pas la fin. L'enquête va être reprise, forcément, ils vont continuer à enquêter malgré tout. Ouais, mais le mec est mort. Et ben il y a d'autres enquêteurs qui vont arriver. Elle faisait partie d'une académie anglaise avec des génies dedans. Ouais. C'était un peu une école de génie en vrai. D'accord. Et il y a deux autres camarades à elle qui vont venir et qui vont essayer d'enquêter. Ça empêche pas aussi. De continuer l'histoire. Voilà. Ouais. Le but c'est quand même d'arrêter Kira. Oui, oui, oui, c'est du ça. Manga, c'est donc, quand même. Ouais. Ouais. Ils veulent l'arrêter, la police veut l'arrêter, même s'il y en a qui sont un peu d'accord, d'autres pas. S'il y a un peu de ça au final. Mais bon, ce qui est. Comment dire, ce qui est intéressant, c'est que Light. Le héros principal, il est le fils de la chef. Enfin, non, non, non il est le fils du commissariat. Du commissaire. Le chef du. Chef policier oui, japonais. Ouais. Ouais, le fils du commissaire, voilà, japonais. Ouais. Du coup, ça aide pas mal, tu vois, avoir des infos sur la police. Voilà. C'est ce qui fait qu'il a toujours un coup d'avance. Ouais, bah, il va même rentrer dans c'est la cellule comme d'enquête. François Thomas. Pardon. Oui, non. Non. Il va rentrer dans la cellule d'enquête pour enquêter sur lui-même. Ouais, bah oui. C'est marrant. C'est marrant. Mais... Ouais. Donc voilà un peu ce qu'est Death Note. D'accord, et eh ben écoute. Tout le monde rêve d'avoir. J'ai un Death Note chez moi. T'as un cahier de la mort. J'ai un cahier de la mort. Tu bah m'as si, il est fonctionnel. J'ai des recettes de cuisine, de boulangerie. J'ai du pain, j'ai tué plein de pains. De... Ouais, les pains en maïs, je les ai défoncés. Continue à faire avec les pains, ça me va très bien. Du moment qu'il n'y a pas des personnes écrites dessus. C'est pas faux. Teddy, tu vas nous parler de quoi dans un instant, toi? Je vous ai réservé un petit top 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un top 6. Oui, un top 6 d'opening de manga que j'aime bien. Oh, ok. On aura d'ailleurs un blind test avant la fin de cette émission où vous allez pouvoir jouer tous ensemble et reconnaître les titres d'opening de manga. Et peut-être que d'ailleurs il y aura certains. Des doublons. Des doublons. C'est ouais. fort possible. Ouais. Parce que c'est toi, Théo, qui a fait le blind test. Oui. Ouais, ouais, c'est. T'as pas mis du Pokémon par hasard dedans? Je sais pas. Ouais, ouais, il y a fort. De toute façon, il sait pas ce qu'il a mis, donc je rentre pas. Exactement, c'est ça. Ouais, donc... Si j'ai quand même écrit sur un papier, quand même, ce qu'il y a à l'intérieur, oui. Hein, pour moi, j'ai fait un petit traitement de texte. Moi, j'ai des connaissances dans Pokémon. C'est vrai, tu connais Pokémon? Ouais, j'étais fan quand j'étais gamin. Ah! Comme tout le monde, je crois. On sera peut-être plus rapide que toi, je pense. Ah, mais y a que moi aussi, Théo qui connaît une note pas. Près, je pense que. Si, moi, je connais Pikachu. Ouais, c'est quoi? Il est de quel type? Bah, il est de type jaune. Non, voilà. Non. Voilà. Non, non. Électrique. Pas, quel élément? Électrique. Ouais. Ah oui, il fait attaque tonnerre. Pikachu, attaque tonnerre. C'est ça. Attaque tonnerre, attaque gilet, attaque boule électrique. J'ai une collection de petits Pokémon, moi, à la maison. Hein. Oui. Ah. Je sais pas, t'as le petit bleu, le bulle bizarre. Ouais, je crois. Bah, j'ai le torton, bah, il est pas bleu. Alors, pour ceux qui ont compris, c'était un piège, évidemment. Il est pas bleu. Le bizarre est un peu vert. C'était Carapuce que je parlais de base. Mais c'est un piège. It's a trap. J'ai même un poster de Tortank, moi. Non, mais j'ai vu le bizarre, j'ai réagi seulement après qu'il était pas bleu. On en reparlera tout à l'heure, je pense, de Pokémon. Ouais. Il y a un petit débat à avoir. Ouais, parce que là, j'ai l'impression, t'entends pas le tonnerre, Teddy? Si, c'est de l'orage. C'est d'orage. Rémi d'orage, effectivement. Mais oui, je t'adore. T'as vu, c'est comme ça qu'on fait une transition, tu vois. C'est très très belle transition. On va dans un instant avec encore un titre de Juliette qui nous prépare. On aura peut-être un titre de Jonathan aussi. Et puis le blind test et le top 6 des openings de manga préférés. Teddy, à tout de suite. Indestar, là où tout commence. Indestar, cette émission de l'été avec Juliette qui est notre invitée ce soir pour parler manga opening chant. Il va y avoir du chant encore avant la fin de cette émission. Il y aura aussi un blind test pour tous les fans de manga. Blind test. Et même les autres. Hein. Et même les autres. Ouais. Et vous allez pouvoir jouer à la maison. Et puis là, avec toi, Teddy, tu vas nous parler de tes mangas, des animés, pardon. Ouais, des openings. Des openings. Préférés. Alors, ils sont pas tous parce que. Bah, j'ai. Bah ouais, sinon, parce que sinon, il y a. Ouais, même plus, je pense. Ouais, question, t'as dit, faudra qu'on les trouve. Ah non, pas non, forcément. Là, c'est pas forcément. Mais on peut les mettre, essayer de deviner, hein, ça marche aussi. Ouais. Mais bon, tiens, et si tu mettais par exemple le premier pour voir. Allez, on essaye, ça. Un classique. Il y a des mains levées dans le Il y a des mains levées, ouais. Ça veut dire, je connais la réponse. Juliette, c'est quoi? C'est l'attaque des titans. L'attaque des titans. Si je puis me permettre, me suis-je trompé? Ah non, bah non, mais bien sûr. Non, on m'a pas confirmé, donc. Il n'y a pas d'erreur possible, clairement. Avec ça. C'est même Sasa Gayo, je crois. Pourquoi c'est pas marqué l'attaque des titans, c'est marqué Linked Horizon? Je me le demande. Parce d'accord. À mon avis, c'est peut-être le nom du thème de la musique. Peut-être. Ils ont tous des musiques. Ouais. Donc, clairement, ça a eu coupure micro. Comment ça se fait qu'il s'éteint? Il doit plus avoir de piles. Bah, pourtant, on avait rajouté. Ah oui, il faut peut-être. On en a d'autres, des piles. Donc, l'attaque des titans, pour te faire court, Théo. Oui. Ça va être souvent pour toi, pour faire court. Hein. Non, mais pas que pour moi, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui connaissent pas. Oui. Non. Si. Non, je suis sûr que non. L'attaque des titans, en gros, l'humanité est enfermée entre trois murs. Ok. Tous concentrés. Non, c'est pas ce mot-là qu'il faut employer. Je sais pas. T'as un mur, un grand, un mur plus petit à l'intérieur et un mur plus petit à l'intérieur. Peut-être que c'est des ça. Ronds. Ouais, des okay. ronds de plus en ah plus oui, petits. Concentriques, oui, oui. Pour se protéger d'une menace assez menaçante, hein. Une menace menaçante, ça c'est original. Des géants, très géants. Ouais. Des titans. Des okay. titans, des créatures qui font entre 2 mètres pour les plus petits à 50 mètres pour le plus grand. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est des très, très grands murs. Voilà. Et l'humanité, bah, ils sont enfermés là-dedans. D'accord. Voilà. Y a officiellement plus de survivants autour. Enfin, voilà. Et ils survivent. Et ils essayent de sortir, ils essayent de se battre, voilà quoi. Mais en règle générale, ils sont défoncés, clairement. C'est ça qui est, je pense, plaisant dans le manga, c'est que l'humanité, elle est vraiment à mal. Non, t'aimes c'est bien vrai. Ça, toi. T'aimes bien quand tout va mal. J'adore. Bah, t'aimes bien les petits coups de Covid comme ça. Oui, bah par exemple, j'aime bien ouais. aussi. Tiens, celui-là. Alors, le dernier. Non, ouais, le dernier. Le dernier, ouais. Ça, aussi, l'humanité a mal aussi. Alors, c'est tout doux comme musique. Mmh. Ouais. Ah, Michou. Non, y'a pas de parole. Non, y'a pas de parole. Ne gâche pas tout. Alors, ça, c'est pas un opening. C'est une musique dans un manga, donc c'est un soundtrack. Putain, j'avais ouais, pu. Tu dirais les trucs que tu mets aux gamins pour s'endormir là. C'est pas faux. Non. Je l'utilisais beaucoup en vrai pour. Quand mon fils est né. Ah oui. Ah, je lui mettais ça. Il a entendu ça, d'accord. Ouais, ouais, il a entendu ça. Et je le mettais aussi pour dormir la nuit. Par contre, ça reflète pas du tout le manga, hein, clairement. Non, pas du tout même. Le manga, c'est Parasite. Ah. Parasite, l'humanité, c'est un casse-dalle pour extraterrestres. Okay. Grosso modo, enfin. Voilà. Pour simplifier. On avait déjà parlé oui, sur Indestar. Oui, oui, oui, en gros, il oui, y a oui. une petite créature qui vient et qui te bouffe la tête en théorie et qui prend ta place en tant qu'humain. Ah, c'est ça, avec le bras là, l'autre il a dans oui. le bras. Et le héros principal, lui, il s'est pas fait bouffer la tête, il s'est fait bouffer une main. Ouais. Ça va, c'est acceptable. Bah, c'est surtout qu'après ils vivent ensemble. Exactement, ils cohabitent entre parasites et humains. Je connais. Ouais, t'as vu, hein. T'as vu, t'as impressionné, vraiment ça. Et l'humanité, bah ouais, hein, clairement. Elle est pas très fan d'être un casse-croûte. Je comprends. Ça nous remet plus bas que. Bah, ouais. On est en bas de la chaîne alimentaire après. Hein. Et donc, y a tout des. Tout plein de réflexions là-dessus, hein, clairement. Est-ce que l'humanité a pas été trop loin et tout ça? Est-ce que c'est pas le vaccin pour la planète? Ah oui, clairement, il y a toutes des réflexions comme ça dans ce manga. Ce qui donne un manga magnifique, clairement. Un très bon manga, ouais. Exactement. Prochaine, vas-y, balance. On met ce qu'on veut. Ouais, bah voilà. Hein. Ah, Pokémon. T'es sûr? Oui. Non, c'était Digimon. C'est Pokémon. Non. On la chantera tout à l'heure. Oui, sans doute. Pokémon. Même là, c'est difficile de se retenir, évidemment. Mais oui. On connaît tous ce générique de Pokémon. Bah, tu vois, même moi. Oui, même toi, qui connais Pikachu. Ouais. Pikachu, le truc bleu. Attaque tonnerre. Oui, c'est ça. Mais c'est Pikachu attaque éclair normalement. Je pense même que c'est le meilleur générique parmi les dessins animés Pokémon. Celui-là. C'est discutable, mais c'est sans doute le plus connu, par contre. Oui. Parce que le meilleur en termes qualitatifs. Oh, ça reste. Après, tout dépend. Si on parle en termes de chant, c'est peut-être pas très ouf en vrai, mais ouais. c'est tellement iconique, moi, tout le monde adore. Que c'est obligé. C'est plus par rapport à la génération que t'as connue des Pokémon. Comme moi, j'ai c'était connu la quatrième. C'était la première génération, ça. Oui, ça, c'était celui-là de la première. C'est pas faux. Et vu que moi, j'ai connu la quatrième, je vais dire que c'est celui-là qui correspond à la quatrième. La chanson de la quatrième, tu préfères? Non, la quatrième. Ah, ça, c'est purement subjectif. Non, mais... oui, non, c'est une question. Mais, oui, vu que j'ai grandi ouais. avec, bah, je suis plus habitué. C'est avec Diamant, Perle. Dialga et Palkia, c'est Sinnoh. T'as pas l'air de la ouais. musique par hasard. Ouais. Ah non, ça fait tellement longtemps que j'ai regardé que. Si on... Ah bah tu dis que tu préfères la générique oui, mais... la 4G, mais tu te rappelles même plus. Bah la dernière fois que j'ai regardé, faut j'avais la chanter. Donc ça remonte. Non, mais si tu veux, on pourra oui. peut-être la retrouver mais d'ici la fin de. Voilà. Tu veux chanter d'ici la fin. Mais moi, ma préférée par exemple dans Pokémon, elle est aussi dans la 4ème génération. C'est le thème. Moi, je me rappelle plus en fait, c'est celle-là que je me rappelle. Parce que moi aussi je suis de la 4G, hein, Bah voilà, le type 4G, on est de la 4G. Mais c'est juste que je me rappelle plus de la chanson de Général ouais, de la 4G, c'est ça. Elle marque moins peut-être. Ah bah si, justement, le combat contre le maître de la ligue. Parce ouais. que dans Pokémon, le but de Pokémon, généralement, Cynthia. C'est d'affronter les bots. C'est Cynthia. Oui. C'est une fille justement qui. Ouais, c'est ça, c'est Cynthia avec son Karchakrok très ouais, célèbre. Quand tu l'affrontes, il y a une musique, mais pour moi la plus épique de Pokémon. Oui, moi je parlais des génériques du dessin animé, les gars. Et alors? Ça peut être tu dans de, le dessin animé de aussi. Cynthia. Oui, et alors, elle est dans le dessin animé aussi. Je pensais que c'était une agence ah bon immobilière. On la revoit même dans les saisons là, les saisons récentes. Oui, dans mais Pokémon c'est Pokémon Voyage, je crois que ça s'appelle. Oui, mais je parle vraiment de générique, moi. Ah oui. Du dessin animé. Oui. Effectivement. Voilà. Mais on parle de tout, on parle de musique, de manga, on parle ah oui, pas que d'opening. Attention. Vous suivez pas, c'est pour ça. Vous n'étiez pas sur la même longueur. D'onde, oui. Mais bon. Alors, oui. La suite. Après, s'il vous plaît. Après, sinon, au niveau DS, oui, je préfère la 4G, c'est ma préférée. Ouais. C'est la plus aboutie pour moi. C'est vrai. Et après, ça devient farfelu après. Voilà, c'est trop simple en fait, les trucs qui simplifient. Oui, enfin oui, mais Pokémon ça a toujours été simple d'une certaine manière, mais c'est. Après, c'est devenu un peu. Il cherche. Générique, ouais. Non, il cherchait un peu plus jeune, plus simple. Ah. Alors, ah oui, ça, c'est plutôt Yuki-Yo. Jeune. Ça, c'est aventure, ouais. Ça. Ça, c'est aventure. Oh, ouais. Tu sais, t'as l'impression que c'est plus combat. Hein. Ouais, c'est. Ah, là, oui. Non, mais attends, je remets au début. Regarde, là, on est dans la. Voyage. Dans un champ. C'est un peu Égypte. En Égypte. En Égypte, voilà. C'est Égypte antique. Oh, pyramide, tu vois. C'est pas Yu-Gi-Oh ? C'est peut-être parce qu'il y a une pyramide, c'est du coup. C'est Yu-Gi-Oh. Et là, combat. Tu vois, ça, c'est. Mais il va le dire, combat. Ah bon ? Regarde. Combat. Il va dire, c'est l'heure du. Fight. Tic-tic-tic-tic. Duel. Ah, tu t'en rappelles de ce ça. Son ah, oui. C'est vrai. Eh ouais. Ça, c'est le son emblématique par excellence de Yu-Gi-Oh. Il va arriver, hein, donc tu peux. C'est l'heure du Yu-Gi-Oh, un de mes mangas préférés, clairement. Alors, le manga en soi, peut-être pas, mais en tout cas, le jeu de cartes. Parce que c'est un manga en gros où tu joues avec des jeux de cartes. C'est pas un peu nul ça ? Non, parce que les cartes, elles sont en. Les cartes apparaissent en 3D et tu affrontes. En fait, c'est des cartes avec des monstres dessus qui vont affronter les cartes monstres de l'adversaire, grosso modo. D'accord. Après, t'as les cartes magie, piège, etc. pour améliorer le truc. C'est un jeu de cartes à jouer. Ah en oui, fait. Oui, les justement. Cartes Yu-Gi-Oh, c'est ce que t'as en grand nombre. Oui, c'est là. Ce que j'ai dans toute mon armoire. D'accord, ça effectivement. Ça y est, j'y suis. Les stratégies qu'il y a autour de ça dans le manga. C'est monstrueux. Alors, oui, c'est monstrueux. Alors, pas au début. Au début, c'est tout pété, mais. C'est génial, rien que pour ça, ça vaut le coup. Ça ressemble un peu à Magic en termes de jeu de. Oui, je vois les si cartes. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Magic, mais Yu-Gi-Oh! C'est mieux. Voilà. Je connaissais pas Magic, hein. Quand j'étais petite, je connaissais que Yu-Gi-Oh! Bah oui, j'ai toujours été très nul d'ailleurs. Oui, je pense que Yu-Gi-Oh! C'est plus connu que Magic. Non, j'y joue. Oh, je sais pas. Pour notre génération. Oui, c'est même sûr, je dirais même, ça fait un plus grand carton que Magic, clairement. Ouais. Par contre, Magic, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'animé ou quoi que ce soit. C'est un jeu de cartes, juste un jeu de cartes. Enfin, juste. Voilà. Oui, par contre, t'as des plus gros tournois actuellement de Magic. Ça a été plus loin dans le temps. Ah oui. Actuellement. Les tournois du Yu-Gi-Oh maintenant, c'est un peu. Bon. Pas c'est une Pokémon, je suis pas fan. Pokémon, tournoi niveau tournoi, c'est. Pokémon, si, il y en a encore. Ouais, mais non, c'est plus grand que Magic et Yu-Gi-Oh réunis Pokémon. Quoi qu'il arrive, c'est toujours plus. Oui, mais les cartes Pokémon, c'est des tournois plus gros que Yu-Gi-Oh et Magic. Largement. Même les deux réunis, c'est bien plus grand Pokémon. Moi, les cartes Pokémon, j'y joue pas, hein, par contre. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui jouent pas aux cartes Pokémon, qui les collectionnent. Par contre, oui. Ah ça par contre c'est une passion. Il y a même des youtubeurs, ils ont fait carton en prenant des boosters neufs, donc emballés dans du papier où tu vois pas les cartes dedans, et ils coupent le booster en deux avec leurs ciseaux, et après ils regardent les cartes qu'ils ont coupées. Ils font un. Et ils sont pourquoi souvent très tristes. Hein. Parce qu'en fait ils niquent leurs cartes, c'est ça. Oui. Oui. Pourquoi je sais pas pour le délire, mais ils sont cons. Mais je vois pas l'intérêt. Bah ça fait le buzz. Quand en gros ils ont une carte super rare qu'ils ont coupée, tu vois, ils sont tristes et sur YouTube on sait que tout et n'importe quoi marche. Clairement. Ça marche, ouais, mais il vaut mieux le revendre. Oui. Ouais, bah après ils sont sponsorisés sur les vidéos, ils se font du fric. Bah oui, parce voilà, que ça fait des vues donc ouais. On peut parler par exemple de. C'est comme Mijirashi, non, je sais plus. Elle faisait souvent. Ouais, mon petit frère. J'ai pas entendu. Ouais. C'est ça, mais j'ai qu'est-ce qu'elle a dit Ouais, c'est ça, mais je sais, elle est sortie avec un mec et c'est sans doute ça qu'il n'y a pas. C'est David Lafarge. Voilà, c'est ça. Ok. Ben, ouais, il faisait des vidéos d'unboxing. Ouais, mon petit frère, il a même la carte Dracaufeu, la première carte Dracaufeu. Ouais, tout le monde l'aime. C'est la carte qui vaut le plus cher au monde. Clairement, la carte Pokémon. Non, c'est la version holographique qui vaut cher. Alors, la version holographique. C'est autour des 5000 euros quand même. Hein. Ah ouais. Si elle est en bon état. 5000 euros. Bien plus que ça. Bien plus. Ouais, hein. Bien plus, oui. Bien plus que ça. Aux enchères, elles ont peut-être pas un million, mais pas loin. Hein. Mais le prix de base. Faut que je regarde si je les peut-être le prix de base, ouais. Non, mais ça dépend si c'est holographique ou pas. Alors, holographique de la première édition. 250 000 euros. Minimum. C'est ce que j'ai vu, c'est autour de 250 000 euros. Le record ne fait que d'être battu de plus en plus parce qu'il prend tellement d'ampleur ce Dracaufeu. Attends, ton frère, il a cette carte là ? Il a pas la version holographique. Ah ! Ce qui fait que ça. Je crois que c'est. Et il l'a en français ? C'est divisé, hein, c'est moins cher. Oui, il l'a en française ? Elle est française, ouais. Elle vaut moins cher. Ah merde. C'est l'américaine, le Charizard qui vaut moins cher. Je crois qu'il l'a en anglais, je sais plus. Bah, qui vérifie parce que ça. Même ça 5000 euros, ça va, hein, ouais. Bah, je lui ai dit, on peut la vendre. T'es pas obligé de les vendre, tu peux les garder, c'est un investissement sur le long terme. Ça vaudra sans doute 1 million d'euros dans, je sais pas, 10 ans. Ah, bah, oui. Je lui ai dit, on pourrait la vendre. Il y a tout un business après, autour de Pokémon. Après, ce qu'il m'avait dit déjà, ce crétin là, il m'a dit non, je préfère les collectionner. Voilà. Bah, il a raison. Non, mais en même temps, par je contre, suis de cet avis. Ce que dit Teddy, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est, ça vaut de l'argent aujourd'hui, ça vaudra certainement de l'argent. Si tu veux t'acheter une villa plus tard, bah, tu vends ta carte Pokémon. Après, alors, peut-être que oui et non. La carte Pokémon va s'écraser. Hein. Oui, en fait, il y a peu de chance. Non, si, si, c'est possible. Oui et non. Non, parce que tous les jeux. Comment dire, au bout d'un moment, peut-être que ça va. Oui et non. À court terme, non. À court terme, non. Et regarde justement Théo, le jeu Pokémon Go. Oui. Il est arrivé quand Pokémon était. Oui, mais ça a cartonné, mais je veux dire, il suffit qu'il y ait des mauvais choix après de l'équipe si, de. S'ils font des erreurs, par exemple, ils donnent vraiment une mauvaise image à cause d'une grosse erreur, Pokémon ça chute. Est-ce que c'est vraiment l'image de Pokémon qui peut avoir un problème? Il y a eu des grandes sociétés qui ont coulé. Ouais, mais pas Pokémon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des chances que toute entreprise peut donner une mauvaise image à un moment. 0,0000%. Non, je suis pas d'accord. Ça touche tellement de générations maintenant Pokémon que. Mais il se renouvelle à chaque fois en fait. Voilà, il touche toujours les nouvelles générations de chute. De toute façon. Et, bon, il existe, hein, faut pas le nier, il existe. Il est faible. Moi je le dis. Je donne juste un exemple. Si jamais, je sais pas, il y a un truc qui fait penser, je sais pas, à du porno par exemple, ça peut être interdit en France. Alors t'as Morpheo comme Pokémon qui ressemble à deux boules, hein, clairement. Oui, non, mais oui. Ça passe quand même. Oui, mais c'est pas du porno, c'est, non. C'est, si t'as des, c'est juste qu'il est moche. Si t'as des idées mal placées, ça. Mais je veux dire, oui, tu vois, s'il y a une grosse Ah ouais, comme ton micro. T'as plus de micro. Mais, oui, non, mais une grosse erreur stratégique. Voilà, c'est oui, une grosse erreur stratégique. Il y a des entreprises vraiment très hautes qui ont coulé juste à côté de ça. Il y a très peu de chances que ça arrive. C'est extrêmement rare. Mais on peut. Mais je dis à mon truc frère, en ce moment elle vaut cher. Non. Demain, soit elle vaudra plus cher, soit ça vaudra plus rien. Toujours. Mais un peu comme toutes les choses de la vie finalement. C'est pas faux. C'est qu'il y a plein de choses comme ça, on se dit ça a une certaine valeur. Après, la valeur elle évolue dans un sens ou dans un autre. Tant que ça tombe pas dans l'oubli, de toute façon ça vaut. Regarde justement, Pokémon Go est sorti à l'époque de la. C'est cinquième génération qui était un flop monumental. Ça a été la pire. Ça a été la pire génération des Pokémon et de très très loin pour tout le monde. Et regarde où ça en est. Pire génération de Pokémon, c'est déjà énormément de ventes. Hein. Ouais, mais justement, ça reste Pokémon ça en fait. En fait, même quand tu fais un échec, Pokémon c'est une réussite. Oui, mais même on peut pas parler de flop monumental quand le truc il a vendu. Bah, dans l'univers Pokémon, si, comparé aux autres Pokémon, si. C'est moins fort que les autres. Mais c'est déjà au-dessus de certains des best-sellers. Ah, mais si tu fais que la moitié du chiffre, par exemple. Et si on passe. Non, c'est pas la moitié du chiffre. C'est pas faux. C'est pas faux. Exactement dire la même chose que toi, Hermance. Générique suivant. Ah bah là. Génération. Ah. Bah oui, évidemment. C'est Jojo. Jojo. Ouais. Jojo bizarre aventure. Oui, parce qu'il voit écrit. Donc il triche. Ah oui, c'est marqué. Non, je l'avais. Je t'assure que je l'avais. Ça parle de quoi, Théo, alors? Eh bah, hey, tu vois, Jojo. Eh bah, il a une aventure un peu bizarre. C'est pas la meilleure. La meilleure, je trouve, c'est celle de la saison 3 quand même. Ouais, j'ai mis juste la première. C'est vrai que la saison 3, j'ai mis la première. Tous les openings de Jojo sont incroyables. Déjà, Jojo, c'est un manga assez spécial, hein, clairement. Je pense qu'il a révolutionné son style. Enfin, il a créé un style à lui tout seul, hein, clairement. Ouais. Le gars, il aime les bodybuilders. Il aime dessiner des muscles. Et il exagère le truc dans ses dessins. Schwarzenegger. C'est petit. Hein. Ok. Vraiment, ils ont tous des corps de rêve. Tous des gros mâles, hein, clairement. Bon, enfin, de rêve. Belle bête. Alors, oui, effectivement, tu passes plus les portes après, mais voilà, chacun son délire. Il a des palettes de couleurs dans l'animé. Comment dire? Un coup, tu vois, le gars, son costume est noir et tout ça. Un coup, ça va passer. Ça va changer de contraste, c'est ça? Un coup, tout va apparaître avec du violet et tout ça. Ouais. Un coup, tout va passer au jaune et tout ça. Il fait ça en animé, j'avais jamais vu ça avant. C'est pas difficile, si bah, je sais pas. Difficile, c'est je pas sais pas, un peu plutôt. Commun. C'est pas son stand, là, que tu dis. Qui passe au noir. Non, en fait, si tu regardes Jojo Bizarre Aventure, tu vas voir qu'à des moments, à des passages de Jojo Bizarre Aventure, ça change, ton affichage va changer de couleur comme s'il y avait eu un changement de réglage de télé. En fait, c'est les scènes qui changent, par exemple. Ah, le personnage est habillé en violet et d'un coup, t'as tout le décor qui passe en orangé ou Et lui, il devient vert. C'est incroyable. Ça donne toute une envergure au manga, une envergure assez unique, hein, clairement. J'ai jamais vu ça ailleurs. Bon. Et Jojo Bizarre Aventure, pour toi, Théo, jeune néophyte, c'est comme ça qu'on dit néophyte? Non. Oh bah lui, c'est même avant néophyte, hein. Ah oui. C'est jeune débutant, voilà. Jojo Bizarre Aventure. Jojo, c'est. Tous les héros s'appellent Jojo. Enfin, leur pseudo, ça peut être Jojo. Le premier, il s'appelle Joseph. Jonathan. et pas John qui attend. Jonathan, c'est toi. Il s'appelle Jonathan Joestar. C'est le premier héros. Donc tu vois, Jonathan Joestar, donc Jo. Ah ouais. Et le deuxième, il s'appelle Joseph Joestar. Voilà. Yotaro. Voilà. J'avais un pote qui s'appelle Yotaro. Ah, il était japonais en même temps. Voilà. Donc forcément... ouais, ils s'appellent tous avec des Jo. C'est pour ça Jojo Bizarre Aventure. Et ce qui est marrant aussi dans ce manga, c'est que c'est sur plusieurs générations. On commence avec Jonathan. Et après, c'est son petit-fils, le héros principal. Le héros est mort parce qu'il était vieux. Non, il n'est pas mort de vieillesse pour le coup. Il est mort d'une mort peu naturelle. Il n'y aurait pas un dieu là sur Death Note qui a écrit son nom éventuellement, non ? Disons qu'il a un ennemi plutôt badass. Ouais. Oui, voilà. Dio. Mmh. C'est ça. Et plus tard, Dio, alors de base c'est un genre d'humain, enfin c'est un humain. Après il va devenir un genre de vampire. Mmh. Après il va devenir un manieur de stand. Ça reste un vampire. Il reste un stand. Il a les pouvoirs du vampire et un stand. Un stand, c'est un esprit qui combat avec toi, on va dire, hein, grosso modo, avec des pouvoirs un peu spéciaux. Ah, moi je croyais qu'un stand c'était. Non, c'est pas pour bouffer. Non, c'est pas un stand de bouffe. Non, non, un stand, c'est un esprit tiré d'un jeu de tarot, je crois. Ouais, des jeux de tarot, ouais. Et donc je sais plus combien il y a de. On entend des petits réglages de. Non, non, de micro. J'étais sur le stand de tir. T'étais sur le stand de. Et chaque esprit correspond à une carte du jeu de tarot. Genre Star Platinum, celui de. De Yotaro notamment, parce que c'est une de mes saisons préférées, le 3. Il manie le stand de Star Platinum. C'est le stand de l'étoile, j'imagine. J'ai jamais su son stand. Ils ont chacun une particularité, mais le sien, ouais. Le sien, c'est comme Dio. Il peut mettre le temps en pause. Il peut arrêter le temps. C'est pas la particularité qui est mise en avant au début. En ah non, ah bah non, il découvre qu'après qu'il a ce pouvoir-là. Parce que sinon, en avant, il a juste des capacités physiques, en fait. Capacités physiques genre, il a de bons réflexes, il a de bons yeux. Voilà. Dis grand-mère, j'ai une belle voix. Il a des bons points aussi. Et il frappe fort aussi, Star Platinum. Voilà. Grande bouche. Donc, très, très cool, très sympa à regarder. Il est pas en français. Il est pas sorti en français. Mais ça donne. Ouais. Mais ça donne trop bien en vrai. Franchement, les voix japonaises elles sont. Mais après. Quand tu entends The World là t'es trop bien, ouais, j'adore ce truc. Après, très souvent, les mangas en japonais sont quand même meilleurs qu'en français après. Oui, c'est ça. Il y a quelques voix françaises qui sont au-dessus, notamment celle de Vegeta. Ouais. La voix de Vegeta en française est très clairement au-dessus. Mais après, il y en a. C'est plutôt le choix du texte de Vegeta, moi, qui me. Ouais, c'est pas évident. Parce que la voix, elle peut être bien, mais clairement. Non, le subtexte est moins bon. Mais... Ouais, de faire du doublage, c'est compliqué. Disons. Aussi, à l'époque, c'était compliqué. Maintenant, c'est même compliqué maintenant. Ah y a non, toujours on commence à être bon en doublage en France. Il y a toujours des gens. Je te dis pas d'être bon ou mauvais, mais c'est juste que t'as des gens en studio. C'est un travail de ouf, hein, de faire du doublage. Ah, mais je dis pas le contraire. Oui, puis essayer de reproduire l'esprit d'origine, c'est difficile. Bah ouais, des fois. Hein. On y arrive. On arrive quand même vachement bien en France. Il y a des fois, t'es même obligé d'inventer d'autres histoires. C'est vrai qu'on est assez bon en France pour ça, mais, mais c'est du vrai travail pour le. Est-ce qu'on un petit dernier pour la route? Allez. Fairy Tail. Alors non, c'est parti. Du coup, c'est Fed. Tu connais pas? Non. Bah oui, normal. C'est pas Naruto, non? Non, c'est Fairy Tail. Hérésie! C'est non, mais je savais plus lequel des deux, alors j'ai donné le mauvais. C'est Fairy Tail. Là je reconnais, ouais. Fairy Tail, grand shonen qui a coulé à un moment d'ailleurs. Ouais. Je sais plus pourquoi. Lors de la pause des 7 ans, je crois, dans le manga. Ouais. Je crois qu'il y a eu un petit creux là à ce moment-là. Et je ne dis rien eu du mal sur ce manga. Moi je regardais quand j'étais en primaire, après ça a totalement disparu de mon existence. Hein. Pas moi. J'ai regardé jusqu'à la fin. Il y a la dernière saison qui est sortie sur Netflix, donc vous pouvez regarder en entier. Ah. C'est honteux ce que j'ai fait, mais j'avoue que j'ai pas fini les saisons. Et j'ai regardé le dernier chapitre. Juste pour avoir la juste pour voir la fin. Ah, c'est possible et de faire ça? Le pire, c'est que j'étais déçu de la fin. Mais t'as tout compris en fait de ce qui s'est passé? Bah, en soi, la fin. Oui, parce que tu... chapitre, pas, Le grand méchant de la fin, qui s'appelle Acnologa, parce que c'est un manga qui est sorti longtemps, donc on peut spoil. C'est un humain qui peut se transformer en dragon. Et tu le vois, pas dès le début, mais tu le vois assez régulièrement. Et donc tu te doutes bien qu'à la fin, il va peut-être jouer un rôle. Tu vois, genre c'est lui le grand méchant ou un truc genre. Comme Zelef aussi, un grand mage noir. Parce que Fairy Tail, c'est ça en fait. C'est des humains qui. Et c'est chez certains humains. La magie existe déjà dans ce monde. Ouais. Et des humains, ils ont des pouvoirs magiques. Ok. Ils vont se réunir en guilde. Donc en groupe d'humains. Enfin, groupe de mages plutôt. Parce émeute. Que, voilà. Oui. Et ils vont réaliser des missions pour soit le commun des mortels, soit pour d'autres trucs. Voilà. des missions classées d'ailleurs, hein, il y a des niveaux de difficulté. Et nous, on va suivre les aventures de la guilde de Fairy Tail. Okay. Ils vont leur arriver des péripéties. Ils ont une grosse histoire lourde, hein, chargée dans le passé. Ils ont une réputation de ces gros destructeurs bourrins, hein, clairement. Voilà. Mais c'est une guilde géniale avec un bon. Comment dire ? Il fait bon vivre à Fairy Tail, clairement. Oh, c'est bon génial, vivre. Il y a toujours des bastons tous les jours, c'est cool. c'est génial. Ça a l'air d'être super sympa. Ouais. Oui, c'est des bastons de bonne entente, hein, clairement. Ah, ouais. C'est entre amis et tout ça, voilà. Ça, c'est qu'entre amis, les bastons. T'es dit, si t'enlèves Grey après de la guilde qui se déshabille tout le temps, ça peut être pas mal, ouais. Mais j'adore Grey, c'est un de mes personnages. J'adore. Oui, moi, j'adore le fait qu'il me déshabille tout seul aussi avant l'époque. tu connais tous ces mangas, Juliette ? Bah oui. Ouais. Après, oui, je les ai pas tous regardés en entier. Hein, ouais. Mais, oui. Non, mais bien sûr. Bah oui, c'est évident. J'ai jamais fini déjà. Donc, ouais. Moi non plus. Et dans Jojo, pas je fini, connais, mais non. Jojo, vous pourrez me blâmer, mais je n'ai jamais regardé Jojo. Ça ne m'a jamais tenté. Chien. Ça, c'est fait. Il faut le regarder pour. Un jour, peut-être. Mais... Dans les openings, là, les musiques qu'on a entendues, t'en as une préférée ou pas ? Celle que j'ai sur mon maillot. C'est la classique. Ouais. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'opening d'Hunter x Hunter. Voilà, j'ai mis un maillot Hunter x Hunter exprès pour l'occasion, évidemment. Évidemment. Le générique est génial. J'aime bien les deux openings parce qu'il y en a deux versions. C'est pas faux. Qui alternent entre chaque saison. Ouais. Et j'aime bien les deux. Et c'est un manga qui est pas fini d'ailleurs. Alors, il y est pas ce soir. Vous n'aurez pas l'opening de Hunter x Hunter. Mais pour toi, Daddy, quel dommage. D'ailleurs, vu qu'on en parle, quel serait ton opening préféré ? Ne se prononcera pas. je sais pas, en fait, c'est compliqué. Là, tu vois, j'ai fait un petit top 6 de ce que j'aime, mais ouais. En vrai. Si t'en avais qu'un à emmener sur ton île déserte, ce serait lequel ? Il y est pas dans cette liste, ah. Mais je dirais, je vais prendre celui que j'ai le plus écouté en fait. Non, pas Food Wars. Guilty Crown, je crois, de Bios. Non, je sais plus. Si, le manga s'appelle Guilty Crown, ouais. Et c'est le titre s'appelle Bios. D'accord. Et je suis assez fan de cette musique, elle est très sauvage, très moi. Enfin, me ressemble en tout cas. Donc sur l'île déserte, ça va bien. Ouais, et je l'ai écouté, sauvage. Je l'ai poncé ce titre. D'accord, très bien. Ok. Et bah écoute, merci. Daniel, c'est quoi ton sujet ? Mais n'en a pas. J'en ai pas. Ah bah ça tombe. C'est le blind test. Non, mais il y avait déjà tellement de choses à dire. Oui. Il y avait plusieurs chansons de prévues de Juliette. Exactement. Et bah d'ailleurs, tu fais pas si bien dire. Parce que moi j'écouterais bien une chanson de Juliette. Ouais. On va écouter Mark Digby avec Ain't Nobody Else sur Indestar. Et puis après, on va laisser la place à Juliette. Elle a le temps de se préparer comme on ça. On aura c'est bien. Aussi la place pour Hermance. On aura aussi, si Jonathan veut, de la place pour Jonathan. T'en as beaucoup de place quand même. Et puis après, on aura la place pour le blind test. Et pourtant, le studio est pas si grand que ça. Non, mais et on a dépassé de 15 minutes. Voilà. Exactement. Voici Mark Digby sur Indestar dans cette émission de l'été. Profitez bien. Il y a du soleil, mais surtout là, il y a de la nuit. Surtout. Enfin, ça dépend où vous habitez, quoi. Il peut y avoir un décalage horaire, mais bon, pour le moment, il fait nuit chez nous. Les notes glissent avec aisance, ornées de subtiles nuances. Indestar, là où tout commence. Émission à la maison, émission de vacances ce soir sur Indestar en ce début de semaine. Oui, nous sommes là et nous sommes là pour parler de manga. Avec quel plaisir ce soir d'accueillir Juliette en invitée. Certes, oui. Mais oui, Juliette qui est jusque-là à chanter dans sa chambre. D'ailleurs, elle n'est pas venue seule, elle est venue avec sa voix en or, c'est exactement, impeccable. Exactement, ils sont deux ce soir dans Juliette. Et peut-être même plus à l'intérieur dans ton cerveau, hein, sait-on jamais. Donc tout à l'heure on n'a pas voulu choisir en vrai, on avait une musique que je ne connaissais pas d'ailleurs qui était de Patsy avec le titre que Liverpool. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique. Bah, tout ce qui est manga c'est pas montré. Par contre Une belle histoire de Michel Fugain, je connais. Ah non, c'est tu connais pas celle de Julien. Mais je ne connais pas la version de Julien. Voilà, donc là on est dans la chanson française. Première chanson où c'est une voix d'homme que je dois chanter. Ah ouais, c'est de ce soir. Mais je vais foutre mon bordel, c'est pas un opening de manga ça ? Ben non. Et alors, on peut chanter autre chose qu'un opening de manga ? On peut essayer. Est-ce qu'on est fermé sur une des stars ? Quand non, on est je bon, ne crois pas aussi. Tu t'imagines deux gamins qui courent dans les champs sur fond de dessin et puis ça y est. Ah, c'est bon, c'est un manga. Non, ça c'est Renaud. Alors, on y va. Michel Fugain avec une belle histoire interprétée par Juliette. On va remettre le micro à la bonne place pour pouvoir chanter avec les copains. On remet aussi Juliette à la bonne place. À la bonne place. Voilà. J'étais pas parti bien loin. Ah, c'est pas faux. Et on va écouter cette version. On baisse la musique. On y va. Un petit peu de reverb. Pas ça, c'est bien. Je connais. Pardon. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain ? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le midi. Ah bah, oh le bâtard, c'était brutal. Ça a coupé, ça a repris. Ah ouais. Bravo Juliette. Et on a appris pendant la chanson que Teddy l'avait appris au collège. Ouais. Ouh. J'ai fait chorale. Mais pas moi. Pour passer pas prioritaire à la cantine. Pas c'était bien parce qu'on avait chorale de midi à 13 et du coup on pouvait. On pouvait pas manger. Ouais. Non, de 13 à 14 je crois. Du coup tu passais prioritaire à la cantine. D'accord, ok. Du coup j'ai appris des chansons. Oui. J'ai appris des chansons pour pouvoir manger plus tôt. Bah ouais. C'est un bon argument je trouve. Alors anecdote, mon père a voulu faire la chorale aussi de son collège. Il a voulu parce qu'il s'est présenté au casting. Ah mais il était mauvais. Et en fait ils ont tous été pris sauf lui. C'est triste. Aussi, c'est possible. Dis Pascal, ça va pas être possible. Parce que tu mets toute la chorale à mal, donc bah non. Donc tu vois d'où je tiens mon talent. Bah même moi qui chante mal, tu vois, ils m'ont accepté à bras ouverts. Bah ouais. Et bon, vu que c'était pour la cantine. Ils étaient peut-être en manque de voix carrément dans ton corps. Bah non. Non. Ils étaient 20. Non. C'est peut-être parce que mon père chantait vraiment très mal. Ouais. Et ça s'est vérifié par la suite. Hein. Par contre, j'étais le seul à avoir une voix assez aiguë, par contre. Ah oui. Parce que déjà, là, vous entendez ma voix. Ouais, bah ouais, en vrai. Enfin, on me le fait toujours au téléphone, on croit toujours que je suis une fille. Hein, ah, c'est bien, ça a des avantages. Ouais, bah ouais. Enfin, je sais pas. J'imagine. D'ailleurs, il a bien interprété des rôles de filles dans le feuilleton des extraterrestres. Hein. Pas que dans celui-là, ouais, mais dans certains courts-métrages aussi. Ouais. Dans certaines soirées qui tournent mal. Ça, c'est un autre débat. Même oui. En physique. Hein. C'est un autre On a appris même en physique avec la robe de. Ah oui, mais je parlais pas qu'en chambre. Mais ouais, oui. Avec le pays ah oui, je oui, dire, oui, clairement. Ah bah oui, c'est. La totale. Il aime bien se travestir. Je suis plus féminine que toi. Chacun son truc. Alors, on a le blind test qui arrive dans un instant. Avec les openings de manga à découvrir, vous allez pouvoir jouer à la maison, vous allez pouvoir compter les points. On va se battre. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se ferait pas une petite chanson, Hermance ? Ah oui ! Oui ! Apporte-toi une chanson, Hermance, avec un micro qui marche. Est-ce que je peux passer mon tour ? Bon alors ! Pourquoi ? Parce que je sais toujours pas quoi chanter. Donc. Ah bah je sais pas, je te mets au pif. Un Pokémon ? Super. Jonathan, tu voulais chanter quelque chose ? Oui, avec... En collaboration avec le rappeur Théo. Ah ouais, bah alors attends, faut préciser. T'es vraiment un truc. Sûr ? Mais attends, dis-toi, tu passes à la radio, ouais. Tu vas te mettre en avant là. Tu veux vraiment être pourri par Théo? Non, mais en plus, ça peut le mettre en avant encore plus. Alors, peut-être, oui, c'est vrai, pas c'est une façon de faire. Non, mais c'est surtout que. Il m'a dit, ouais, c'est simple. Tu me fais le rap. Alors, c'est écrit. Et il écrit comme moi. C'est écrit à la main levée. Je dis pas que t'écris mal. À la main levée, c'est méchant. Mais bah, Teddy, tu peux collaborer aussi avec Théo. Ou oui, c'est vrai que je sais dire ça, moi. Ah ouais. Alors, moi, je déchiffre. Hein. Il manque des mots dans son texte. Et il me l'a mis parce qu'au début, il me l'a présenté sur feuille. C'était écrit en 8. Je me rappelle même plus de la première. Non, mais du coup. Si, un mot, il y en a un mot, il manque. Voilà. Comme tous les célibataires. Voilà. Je suis à la recherche d'une femelle. Voilà, non, mais c'est peut-être un style musical. Comme tous les. Je suis célibataire. Non, bah. Bref. Ok. Mais quand même, il faut que je déchiffre le texte qui est écrit et du coup grossi parce que j'arrivais pas à lire sur feuille parce que je suis un vieux et j'ai mais c'est très bien écrit. Ouais. Et bah, tu vas le. Bah, tiens, Teddy, tu sais où t'as la feuille, je t'en fais. T'aurais mieux fait de te taire. Alors, donc, et c'est sur un. Tu veux vraiment le faire? Parce que moi je suis pas contre les duos, hein. J'ai proposé à tous nos invités de faire des duos. Luna Faclantis, je sais plus les c'est autres. C'est toi qui commence, hein, Jonathan, c'est ça. Hein. Alors, ouais, bah c'est comme vous faites en fait que le couplet. Le couplet 1. Que le couplet 1. Ouais, mais c'est toi qui commence. Ah oui. D'abord il y a le refrain, non? Ah oui, bah je commence le refrain, ouais. Ok. C'est écrit en 7. 2. Ouais. Ah, moi j'aurais dit en 8, mais tu vois, ouais, c'est écrit tout petit, hein. On est d'accord. C'est écrit à la main. Il est où le couplet 1 main. Ah bah moi à la main j'ai écrit beaucoup plus gros. Il y a pas de. Ah si. Alors. On y va, on coupe la musique, on va mettre. C'est de la totale improvisation, on n'a absolument pas répété. Et je pense que ça va être une catastrophe. Mais c'est pas grave, on y va parce qu'on aime bien. Non, parce que je suis bon. Et puis ça mettra encore plus en avant Juliette, du coup, c'est bien. Mais je vais faire le rap avec vous, mais en fond. Hein, je vais faire le rap avec vous en fond pour avoir le rythme. Tu vas modifier nos voix, enfin tu vas. Pour avoir le rythme, je vais faire en fond avec vous. Tiens, ça c'est d'accord. La reverb pour toi, moi j'ai pas de reverb. Ok. Pas ça, attends. Ouais, 3-7. Yo! Represent. Ça fait ça, rap. Na na na, na na na. Na na na na na na na na na na. Moi quand je fume, mon cerveau s'égare. Na na na na na. J'oublie mes problèmes, je suis avec mes gars. Ia, ia, ia. Moi quand je fume, mon cerveau s'égare. Avec tous mes gars, alors laissez-moi de mon plaisir. Ia, ia. Je me rappelle même plus la première fois de la semaine où j'ai fumé, je crois que je suis encore défoncé. Mais quoi que je fasse, mon cerveau s'est absenté. Comme tous les célibataires, je suis à la recherche d'une femelle. Mais quoi que je dise, je suis en train de m'enfoncer. Mais moi, quoi que je fasse, je suis en train de m'enfoncer. Me pique, je bois, je vis. Ou quoi que j'ai pas besoin de préciser. Ma vie est très mouvementée, j'arrive même plus à parler. Tellement je fume ce fumier. Je suis en train de m'enfumer. N'importe quoi. J'ai plus les paroles. Il est enfumé, il l'a dit. Je suis très calme et toi ton esprit est parti. L'humain aussi je crois. C'est ça. Moi quand je fume mon cerveau s'égare. Un peu plus fort. J'oublie mes problèmes, je suis avec mes gars. Moi quand je fume mon cerveau s'égare. Avec tous mes gars, alors laissez-moi de mon plaisir. Ia, ia, je pique, je bois, je vis, ou quoi, j'évite le crash, le beat, mes vagues, j'ai peur, je crève, j'espère, je rêve, moi je rêve. Ia, ia, je pique, je bois, je vis, ou quoi, j'évite le crash, le beat, mes vagues, j'ai peur, je crève, j'espère, je rêve, moi je rêve. Ia, ia, je suis parfois déçu, la vie me fait de la peine. C'est ce goût d'amertume qui tous les jours me pèse. Moi parfois je fume, faut que je me mette à l'aise. Na na na na na na. Je suis parfois déçu, la vie me fait de la peine. Faut pas que nous se consume, que le malheur nous pèse. Moi parfois je fume, faut que je me mette à l'aise. Na na na na na na. Moi quand je fume, mon cerveau s'égare. Na na na na na, j'oublie mes problèmes, je suis avec mes gars. Ia, ia, ia. Moi quand je fume, mon cerveau s'égare. Avec tous mes gars, alors laissez-moi de mon plaisir. Ia, ia, na na na, na na na. Y'a pas nanana. Na na na na na na na na na na na na. Je suis déçu, j'ai pas de nana sur ma feuille. Eh ben, heureusement que t'es là pour attraper le coup quand même. Hein. Enlève-moi cette rumeur, mais non. Mais heureusement que t'es là parce que... Bah ouais, hein. Oh, j'ai bien pris de mal. Rappeur, hein. Je trouve que le couplet numéro 1 était le mieux. Hein. Ah, ah, ouais. Suivi par les nanana qui étaient bien aussi. Là, par contre, j'ai un petit coup de gueule. Oui. Ouais. À dire, on a le texte sous les yeux. Il manque des paroles. Tu modifies les paroles, tu dis. Mais c'est ça, un vrai chanteur. Oui, c'est ça, un vrai chanteur. C'est vrai qu'il y avait un demi couplet, ah bon, on l'avait pas. Mais du coup, je ne peux même pas suivre. Mais où ça? Attends. À plein de phrases. Ah ouais. Mais. Ah oui, t'as rajouté des choses. Mais ah ouais, tu modifies, tu... Non, mais il l'a dit, hein, son cerveau s'en fume. Tu t'appropries le texte, déjà, toi. Non, mais je vois pas. Non, je vois pas, en fait. Il y a un moment où j'ai plus sorti de mots. Enfin, je me rappelle plus de texte, donc je... Ah non, pas ça. C'est pas... tu le fais inconsciemment. En fait, tu chantes des trucs qui sont pas dans le texte. Ouais. Non, comme, ton cerveau bah, s'égare, tu l'as dit. Je sais pas, il y a bah là, j'évite le crash, le beat, et là tu me refais une autre phrase. Ah oui, bah c'est que j'ai oublié. Pas du tout. J'ai oublié d'écrire la non, phrase. C'est que j'ai oublié. Il y a des mots que j'ai oubliés. Bon, ah non, là il y a toute la phrase que t'as oubliée. Non, le beat, m'évade. C'est juste m'évade que j'ai oublié. T'imagines le mec qui veut un karaoké. Il manque la moitié des phrases. Non. J'ai oublié dans tout deux mots dans le texte. C'est Jonathan à moitié. Il te donne la moitié. Non. J'ai oublié en tout deux mots dans le texte. C'est un nouveau style musical, vous connaissiez pas. Techniquement, je les ai pas relevés le nombre de fois, mais il en manque pas. En tous les cas, c'était très bien. Non, parce que je l'ai vu, il manque deux mots. Oui, d'accord. Mais c'était très bien. Les mots, apparemment, ils sont très longs. Ils sont très longs. Très longs, ouais. Moi, j'avais pas les paroles, je trouvais ça bien. En vrai, tu chantes super bien. Avec ou sans paroles, au final, elles arrivaient en même. C'est vrai que je suis témoin, Juliette n'avait aucun mot, elle. Dans ta chanson, elle avait aucun mot, elle. Puisqu'elle n'avait pas le texte. Voilà. Le blind test arrive, les enfants. Préparez vos feuilles et vos stylos, vous allez jouer. Les ardoises, on peut prendre des Véléda avec des ardoises. Et on va jouer aux openings de manga. Il y en aura 11 à reconnaître. Donc voilà, il faut être au taquet. Et juste avant, Juliette, je te présente Anafri. Bonjour Anna. Avec un titre qui s'appelle Remember Me. Non, pas 5 minutes, c'est 3 minutes 46 exactement. Un titre de son dernier EP en date. Voici Remember Me, c'est Anafri sur Indestar dans cette émission du soir. Anafri sur Indestar et l'émission des vacances qui continue. Le temps que je trouve de quoi remettre tout ce qui va bien pour pouvoir vous passer ce blind test qu'on va faire ce soir. Blind test évidemment sur les openings de manga. Des familles. Trop facile. Par contre, il y a toujours un truc qui m'a choqué sur ton blind test. C'est vrai. Parce que je l'ai observé tout à l'heure. Alors, j'ai pas les noms, hein, il y a que des c'est chiffres. C'est marqué que 1, 2, 3. Oui, oui 1, 2, 3, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça qui est noté. 8, 1, 8, 2, ouais. 9, 10, 11. Oui. Ça c'est normal ça. Il doit pas y avoir un 8-1 et 8-2. Hein. Si, tu vas comprendre pourquoi. Si, parce qu'ils font partie du même truc. Parce que c'est la même chanson. Tu vas comprendre pourquoi. Et c'est pas normal. Voilà. En tout cas, il y a 11 titres à découvrir. Je sens qu'on va se faire enfumer. Avec Théo, est-ce que c'est normal? Dans l'équipe Indestar ce soir, il y a Teddy, il y a Kevin, il y a Juliette, il y a Daniel, il y a Hermance et il y a Jonathan. Mais non, on peut pas être dans la même équipe. Qui va gagner? Non, mais quand je dis l'équipe Indestar, c'est voilà les participants. Il y a plus d'amis là. Et vous êtes 10 millions à nous écouter aussi et à jouer et peut-être gagner plus de points que nos adversaires. Ça va fighter. Est-ce que si on a le titre, on a le droit de crier dans le micro très fort? Alors, on va pas faire comme ça. Non, c'est trop le bordel sinon. C'est trop le bordel sinon. Ce qu'on va faire, c'est que justement, vous avez des ardoises devant vous, avec normalement des stylos, enfin des Véléda, qui vont vous permettre d'écrire la réponse. Donc, on écoute l'extrait, et ensuite, on tourne les ardoises, et tous ceux qui ont la bonne réponse gagnent un point. Pas la bonne réponse. Il risque d'avoir des égalités à mon avis. Peut-être, je pense. Et il y en a qui vont pas gagner beaucoup de points. Après, j'ai pris des choses assez faciles, je pense. Oh bah oui. Hein. Pour que tout le monde ait des points. Après, non. Oui. Après, peut-être que vous allez me dire, ouais, c'est trop facile pour certains et d'autres, c'est trop dur. Peut-être. Je ne m'y connais pas en opening actuel. Enfin, je m'y connais, mais je les reconnais moins facilement. Ah, mais il n'y a pas que actuel, attention. Il sait pas si c'est actuel ou pas. Non, mais il a mis au pif. Non, je sais qu'il y a des choses pas actuelles. Attention. Déjà qu'il vient de découvrir qu'il y avait des openings. Déjà, alors, déjà. N'en demande pas trop. Hein. Pokémon, il te. Est-ce que Pokémon, je situe. Est prêt. Oui. Oui. Oui. Okay. Bref. Alors, attention. 3, 2, 1, premier extrait. You got the indice, on en a parlé. Oh, il y en a eu. Hermance, elle l'a pas. On en a parlé. On en a parlé, mais... Oui, pas de ce son-là. J'ai dit que... Mais donne pas d'indice. Ah, merde. C'est trop gentil, merci, mais non, c'est pas. Il fait partie de mon top 6. Donne pas d'indice. Mais... Alors... Est-ce que je peux donner la bonne réponse? Mais on va, tout le monde va tourner son ardoise, allez-y. Alors, Hermance, c'est blanc. Jonathan, c'est un cœur. Non, c'est quoi? C'est que tu Non, c'est pas Death Note. Non, c'est. Ouais. C'est un Y. C'est pas Death Note. Juliette, elle le sait. C'est Parasite. C'est l'opening. Parasite, effectivement. Let Me Hear. Mais j'ai pas entendu, il y avait trop de Parasite. Théo. C'est même Let Me Hear. Théo, moi je montre ça. C'est pas un Parasite. Ah, c'était un point d'interrogation, effectivement. Je tiens quand même à préciser que j'ai un indélébile sur mon ardoise. Ça ne s'efface pas. À aucun moment. Alors, c'est pas grave. J'avais dit qu'effectivement il pouvait y avoir des stylos indélébiles. Hein. Ah bah j'ai pas entendu. Ouais. Non, mais c'était pas pour toi, Juliette. Que permanente marqueur, ah ouais. En effet. Permanente marqueur. Alors, c'est, on a niqué une ardoise, c'est génial. Tu le refermes ? Oui. Non, mais. Oh là ! Et on a l'alarme qui s'est déclenchée, vous l'entendez ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça y est, on Infraction. A. Non, on a enclenché l'alarme, c'est bon, tout va bien. Par contre, ça serait bien effectivement d'avoir des stylos qui s'effacent sur les ardoises. Attends, je vais prendre un peu, il me reste une goutte d'eau. Ah, peut-être que ça va. Ouais, peut-être qu'on peut la sauver. Autrement, sauvons l'ardoise, un petit massage cardiaque pour l'ardoise. Un coup d'acétone, sinon... mais on n'a pas l'acétone. Ouais, sinon, faut de l'alcool aussi, ça. Ah oui, ça. Oui, l'alcool aussi. Bon, l'eau est pas. Je vais mettre du pec citron et un peu de sueur et ça va s'effacer. Bon, donc on a un point pour Kevin, un point pour Teddy. Évidemment. C'était effectivement Parasite. Bah oui. Serez-vous aussi bon dans le deuxième extrait que l'on va écouter maintenant? Attention, mesdames, messieurs, c'est parti. Lol. J'ai l'impression que tout le monde écrit. J'ai l'impression que le. Il dit le nom du manga. J'ai l'impression. J'ai comme l'impression. Il dit le nom du manga. Je dirais que Jonathan a raté le coche. Ah bon? il a dit le nom du manga dans la chanson. Attends, au tout début. Je l'ai pas vu moi. On réécoute. Oh ouais. Enfin, faut l'entendre quand même, hein, ton nom de manga. Franchement, si tu connais pas, tu l'as pas. Ah vache. Bon, bah attends, on va voir. Hein, Allez, attention, on retourne les ardoises. Alors, Jonathan ne sait pas. J'ai mis au pif. Hermance, t'as mis quoi? Ah oui, Jojo Bizarre Aventure. Ça disait Jojo. On a quoi? Nicky Larson. Nicky Larson, alors c'est pas ça. Aïe, Juliette. J'avais envie de mettre Nicky Larson, mais je savais que Jojo aussi. Jojo mais... et j'ai Jojo. Changé. Effectivement. J'ai changé. Ça m'a rappelé un petit peu quand même. Regarde, alors. Théo. Donc on est d'accord, c'est Jojo qui disait au début. Théo, regarde. Oui, t'as mal vu. Non. Il fait comme l'autre jour. Si, ça fait un moment que je le tends là. Teddy, il a triché. Marche pas. Un point pour Hermance. Un marqueur qui marque plus. Un point pour Kevin. Un point pour Teddy. On en a trois. Est-ce que j'ai un demi-point parce que je mets quand même des réponses? C'est bien d'essayer. Moi aussi j'ai mis des réponses. Mais malheureusement, Daniel, tu sais que c'est comme dans la vie. C'est pas parce qu'on essaye qu'on réussit et qu'on. Voilà. Zut, ça marche pas. Ça ne marche pas. Attention, troisième extrait. Je sais pas si c'est plus dur, plus facile, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, c'est parti. Ça a l'air plus dur. Pas pour Hermance, pas pour Juliette. Ah oui, c'est censé le manga. Non, j'écrirai pas de conneries, m'en fous. Non, massacre pas non plus. Attends, je mets les deux titres, je mets la version anglaise et la version japonaise. Et je tiens à dire que ça ne te fera pas plus de points. Si, ça me fait le double. Alors. Oh putain, j'ai pas voulu regarder ce truc. Je suis dégoûté. Your Lie in April, c'était la bonne réponse. Ah bah, et on en a que deux, on a les filles, hein, Juliette et Hermance. Ok. On en parlera à la fin de cette émission, Hermance. Pourquoi? Quelque chose s'est passé et tu n'as rien vu. Ah non, je n'ai rien vu, mais ne donnez pas les réponses. Moi j'ai vu, hein, j'ai vu, je suis pas d'accord, mais ça va. Ouais, mais j'avais quand même. Il y avait de la triche? Non, c'est pas de la triche. C'est un mauvais jugement de l'arbitre, je dirais. D'accord. Bon. On est deux filles, je prends parti. Attention, quatrième extrait. Oh, c'est une connerie. Oh putain. Je suis très déçu, il n'y a pas les paroles. Non, j'ai fait exprès, hein. Alors, ça, c'était plus vieux, hein. Je suis sûr que c'est pas ça, mais c'était non, c'est vraiment ça. Goldorak. Oh, je suis mauvais, j'ai jamais regardé. Détective. Oh, non. Ah, j'ai quoi pas. Merde, j'ai pas. J'ai pas fini d'écrire. Non, moi j'avais. Hermance, tu l'avais pas, et Jonathan non plus. Bon, alors. Bah si, mais. Non. Pourquoi à chaque fois tu me laisses pas le temps? Attends, pas. Jonathan, il a écrit Gold Orak. J'ai pensé à quoi? 2 secondes de la fin, peut-être même pas. Je salue le geste. Non, moi aussi. Il n'y avait pas les paroles, je ne l'avais pas, mais c'est venu après. À chaque fois, regardé, on laisse pas le temps aux personnages tels que moi. Eh, c'est vrai. Oui, non, mais il nous a fait le coup l'autre jour, hein, déjà. C'est comme j'ai pour pas Daniel. Goldorak, malheureusement, non plus, les langues n'ont pas de place dans la vie. Non, bah alors, faut que tu fasses un chrono, 3, 2, 1, un truc comme ça. Ah, mais on pouvait faire un chrono, mais là, il faut. Non, mais là, déjà, faut déjà aller vite, déjà. Après, le blind test, à la fin de la musique. Non, mais je te demande pas d'aller plus vite, juste de dire oralement le chrono. Eh ben, je vais faire un chrono, je vais mettre un chrono si tu veux, monsieur. Attention, cinquième extrait, c'est parti. Kevin, il l'a pas. On en a parlé, Jonathan. T'as intérêt à l'avoir. On l'a passé. Attention. Mais on l'a passé en plus. Laissez 5 secondes de réflexion pour Jonathan. 4. 3, 2, il a fini d'écrire. Ah, c'est parti. Alors il a fait une faute. Il manque un H. Non mais c'est. On a compris, c'est Death Note. Eh, c'est un sans faute. Bravo les gars. Alors, tu vois que j'en connais un peu et qu'il faut juste me laisser le temps. Il a regardé sérieusement. Hein. Premier point pour Jonathan. Bravo. Il fera pas une Jolene ce soir. Non, c'est très bien. Premier point, non mais j'avoue que moi je j'aurais pas trouvé. Ouais, franchement j'aurais pas. Peut-être le prochain. Bah, c'est déjà qu'il aurait pas trouvé les précédents alors. Bah, peut-être Goldorak, ça m'aurait dit quelque chose. Ah. J'aurais pas été sûr de le trouver, mais ça m'aurait dit quelque chose. C'est un manga, Goldorak ? Bah oui, bien sûr. Un vieux manga, mais un manga quand même. C'est parce que c'est pour ça qu'il connaît, parce que c'est vieux. Ouais. Club Dorothée, du coup. C'est le premier qui a été connu en France. Ça ressemble un peu à la 7ème compagnie, je pense. Non, pas du tout. Tu vois, par contre, je connais grâce au Club Dorothée, par contre. Et elle est pas mal, la version française, en vrai. Alors, qu'est-ce que ça pourrait bien. Putain, que ça s'est sauté. Attends, je rebouche mon stylo. Alors, rebouchons le stylo. Petit décompte, 3, 2, 1... Dévoilation. Alors, j'ai eu un trou. Ah non. Du Zodiac, non, ça t'a pas le droit. On a Cap Floum. Captain Flamme, il y a écrit. Non, quand même. Les Chevaliers du Zodiac. Et là, on n'a pas. J'ai pas. Et bah, la réponse, c'était les Chevaliers du Zodiac, qui t'ai dit. Quoi ? Mais oui. Quoi ? Alors, attends. Info, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai. Mais moi, je me suis dit le seul animé que je ne connais pas. J'adore Senseiya, mais j'ai pas reconnu la musique. Je suis déçu quand il n'y a pas les paroles. Qui l'avait ? C'était toi, Juliette. Je suis déçu de pas avoir reconnu, c'est un de mes préférés. Ah ouais, toi, t'étais persuadé que c'était pas ça en plus. J'adore, j'ai des figurines, tu vois. T'es dit comme tu dirais. Chez. Ouais. C'est tes trucs préférés, ça ? Senseiya, ouais. Ah ouais. Bah, les chevaliers en armure qui se battent pour l'amour d'une déesse. Bah, du coup, raté, c'est le générique. Septième extrait maintenant. Sniff. Avec ça. Ce serait pas japonais, je pense que ça te plairait. Ça fait rock underground un peu. Underground, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est vrai que ça serait américain avec une petite batterie à la Green Day, ça pourrait passer. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a personne qui écrit. Je veux pas dire. Personne ne l'a, celui-là. Ah non. C'est hallucinant, ça. Ouais. Pourtant, c'était dans Blind Test facile. Hein. Bah, je sais pas. Non. C'est lequel ? Bon, et ben, il s'agissait. Mais en fait, c'est facile, mais pour un certain âge. Bah, je sais pas. Non, c'est récent, ça. C'est quoi ? C'est AQ. Ah. AQ. C'est pas la plus. Peut-être pas la plus connue. H-A-I-K-Y. C'est récent, mais c'est pas. Ça pour faire un cas. C'est pas la plus connue en tout cas. Bah. Et bah. Ah, il savait Bah oui. Alors. Non, c'est pas 5 secondes qu'il faut y laisser, c'est 30. Puis il a écrit OIQ. On arrive au 8ème. Et Teddy, tu vas comprendre pourquoi 8.1 et 8.2 dans un instant. Il y a deux Pokémon. Mais avant, je vous laisse deviner quelle est cette musique. J'ai le point quand même. Tout le monde est heureux, oh, même si quelquefois le ciel n'est pas toujours bleu. Je l'ai déjà entendu, mais c'est chiant. Pourquoi tu l'as mais mis là? Elle est arrivée un jour, et d'un seul coup l'amour est venu enchanter tous ceux qui l'habitaient. Je veux pas écrire là-dessus. Ah ah. Alors, qu'est-ce donc que ce générique? Ah bah, il y en a une qui est excitée comme une puce. C'est Juliette, je t'aime à la pension des mythos. On parle à la première personne, c'est ça. C'est pas... Bien tenté, mais non. Il y avait que Juliette qui l'avait. Non, il y avait Sailor Moon pour Kevin, mais c'est pas Sailor Moon. C'était Juliette, je t'aime. Attends, c'est une chanson qui contient mon nom. Mais tu m'as pas laissé le mettre. Mais tu me laisses pas le temps de le mettre. Juliette, je t'aime. Pas Juliette tout court. Juliette tout court, ça marche pas. Allez, moi de j'ai pas eu le temps. Bien sûr. Non, mais il faut 40 secondes maintenant. Et c'est pour ça qu'il y avait ce deuxième extrait, parce que Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. prénom, c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime. Ça me Juliette, fait du mal. Je connais même pas de nom. Et je sais non, que mais... tu es mon ami. Non mais là quand même les gars, j'ai le point là. Mais tape dans le vieux. Tac tac tac tac tac tac. Tu l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas. Je commence à l'écrire. Eh ouais, c'est dommage. Non mais c'est pas possible. Mais tu non mais on t'empêche pas de finir non plus hein. Ah. Donc, un bien beau manga qui passait aussi dans le club Dorothée. T'es sûr, bien beau manga? Bah, je sais pas. T'es sûr? J'ai pas vu. Non, non, mais il veut pas, il veut pas de problème avec notre Juliette, c'est pour ça. Je ne l'ai pas fini non plus. Hein. Générique chanté par Bernard Minet. Hein, comme Bernard beaucoup, Minet que j'aime beaucoup. Comme beaucoup de génériques d'ailleurs du club Dorothée. Je connais pas. Bah, c'est. Mais tu connais pas Bernard Minet? Bah oui. Dans les musclés. Je m'appelle Félix et pourtant je le connais pas. Et dans les musclés? Je connais pas les musclés. Bah, club Dorothée. Oh là là. Mais même moi, je suis né, le club Dorothée c'était fini et je connais quand même. Moi aussi, hein, je suis pas si vieux que ça. Hein. Tac, tac. Ah, le club Dorothée, j'ai que 20 ans. Quoi, en 98. Ouais, mais j'ai 97. 20 ans. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Non, il y a pas 20 ans du tout. Ouais, parle pour toi. On y va. 9e extrait. Ah merde. Non. C'est sympa, mais je connais pas. Au revoir. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas un problème récurrent aux, jeux, enfin, aux gens qui aiment les mangas? Je sais, mais j'ai plus le nom. Oui, attends, alors, je l'aime, avec un autre je suis en train de l'écrire. Ouais, ouais, on est en attend. Je pour Jonathan le citer, aussi. Hein, mais 4, 3, 2, 1. Quelles sont vos réponses, mes amis? Nous avons... Rien, nada, j'ai The plus le nom. The Promised Neverland. Neverland. J'ai écrit très vite. T'es dit, c'est faux. Alors, on n'a pas pour Jonathan. Non, ça, je l'ai vu par contre, mais c'est pas ça, je crois. Et Daniel non si, plus. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Eh bien, en fait, c'est parce que j'ai pas regardé l'animé, je ne connais que l'opening, mais j'ai lu le manga. Enfin, si, d'ailleurs, j'ai regardé l'animé. Je confonds avec un. Non, je confonds avec un film sur les films. C'était The Promised Neverland. Exactement. Il est très à la mode en ce moment. C'est vraiment un très très bon manga. Ah ouais. Bon. Il reste deux extraits. Ouais, ça pue la merde. Attention. Il faut marquer des points maintenant. Avec celui-là. Ça, c'est la version Wish. Non. Si. C'est karaoké, là. Ouais, bah, on s'en fout. Je lui ai mimé à la voix. Oui. Mais ça, c'est la version Club Dorothée. Horrible. Massacre. Elle est pas. J'aime bien la version Dorothée, elle est rigolote. Bah oui, elle est rigolote. Oui, elle est choupinette. Chantée par Ariane, donc. Mais quelle est cette chanson? Ah si, ça va. Chantée il a réussi à s'en sortir. Je ne sais pas ce que c'est. Il l'a écrit. Il l'a écrit, je précise. Ça galère. Il a écrit des BZ. Ça galère. Ah, ok, bah non, je l'avais pas non plus. Donc. Dragon Ball Z. J'étais en train de chercher la dernière mélodie qui me l'a rappelé. C'était Dragon Ball Z, effectivement. Donc ça fait un point pour. Attends, j'ai pas compris. Un point pour Teddy. Un point pour Kevin, un point pour Juliette. Qui galère avec son mais un point. L'instrumental fait tellement gamin, je trouve. Ah oui, non, mais oui. Mais ouais. Le prend pour un gamin alors que c'est un manga de combat. Dragon ouais. C'est du foutage de gueule, fois 1000. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, au début, il est enfant. Hein. Oui, passe, mais même, il se bat. Il fait que ça, c'est la base du manga. Bah, il faut un petit peu de musique enfantine pour. Non si. Pas quand il va affronter les grands méchants et qu'il est pute. Enfin, non. Alors attention, c'est le dernier extrait. Le 11e et dernier extrait. À vos stylos, à vos ardoises. Merci. Merci. Ça aussi, c'est un de mes préférés. Bah, on en parlait tout à l'heure des concerts avec des shows. Elle a fait un show énorme avec ça. La musique de fin là, j'adore. On dirait un peu un thème de Sonic, je trouve. Non si, pas du tout. Si, je t'assure. C'est un manga wow. Aussi anti-humanité. Alors, attention, 3, 2... Oh non, je sais que je me suis trompée, ça y est. 1. Zut, bah tant pis. Révélation. Nous avons... Mais ça oui, galère avec Lyon. T'avais marqué quoi? J'avais marqué Hunter x Hunter parce que sur le coup, je savais pas du tout. Ça galère Naruto, on a du Naruto, on a du Evangelion. Génial, je sais pas. Du Neon Genesis Evangelion. Oui, c'est le nom complet. Le titre complet, quoi. Pareil, Evangelion aussi. D'accord. Et bah, c'était Evangelion. Alors, Teddy. Non, c'est Néon Genesis Evangelion. Attention, Kevin. C'est pas que Evangelion. Et tu nous enlèveras pas nos points. Non, j'enlève pas les points, mais je précise. Il y a beaucoup de monde qui a Evangelion là. Hein. Alors. Et c'est méchant, c'est des anges. Ça va être l'heure de. C'est sûr que c'est méchant les anges bon. À la base. Certes. J'ai deux points, moi je sais. Moi j'en ai plus, mais je sais pas combien. Regarde, c'est Vendée Lessing. Non, t'as pas c'est deux méchant, points, t'as plus, Daniel. Non. Félicitations. 3. Bravo. Alors. Non mais moi il me manque 2-3 bancs parce qu'il y a des fois où j'avais mis et j'ai pas eu le temps. Ah mais il fallait tous les mots. En dernière position. Non, oui, mais non mais. celui à qui il manque des mots et du temps. Il y a un moment quand tu laisses pas le temps. Eh bah oui, mais c'est comme ça. Il y a des personnages qui n'y arrivent pas. Un point, Jonathan. T'as c'est fait une jolade quand même, une belle jolade. Oui, mais tu ne repars pas les mains vides. Enfin, si, mais tu repars pas, bredouille. Enfin, tu repars avec de la fierté. Ouais, exactement. Merci, Juliette. En deuxième position, enfin, dans le bas du classement. Oui, moi, on rajoute quand même 2-3 points, moi, quand même. Parce que... Non, un point seulement. Daniel, 3 points. Waouh. Tu as 3 points. Ouais, bravo. Et en plus, il a pas passé ceux que je connaissais. Ah, quoi, t'en as trouvé 3? Ouais. Bah ouais. Mais je sais même plus lesquels. Death Note. Sans doute Death Note. Death Note. Il y avait certainement des vieux mangas. Death Note, Goldorak, oui, puis l'autre, je sais plus. Ouais. Peut-être. Ouais, bah c'est pas grave. Ouais. Dragon Ball. Non, c'est après quand il a dit Ariane, je me suis dit ça y est, oui, c'est trop tard. Bah oui. Les chevaliers. Non, pas les chevaliers. 4 points pour Hermance. Ça va. Voilà. Bravo, Hermance. Un score mi-fig, mi-raisin. On t'expliquera plus tard la théorie de mi-fig, mi-raisin. Ouais, okay. On l'a éclairci. Hein. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça. 5 points pour Teddy. Chien. Non, je suis pas derrière premier. Moi. Bah ouais. Mais c'est sur le podium, quoi qu'il arrive. T'inquiète, j'en profite. Teddy, t'es sur la troisième marche du podium. Ouais, mais c'est pas ça. Kevin, en deuxième place avec 6 points. Oh, ouais. Bravo, Kevin. Ça sent la victoire de l'invité. Et enfin, ouais. 7 points pour Juliette. Bravo. Je pensais même pas avoir eu autant de points. Et, si, ouais. Et maintenant, on peut t'annoncer qu'on t'a laissé gagner parce que c'était prévu. Tout était écrit. Parce qu'on ne veut pas de problème avec nos invités. Et oui, on les met en avant. Donc on n'a pas du tout triché. Pas du tout parce qu'on est mauvais perdant. Non, non, jamais. Je suis jamais mauvais perdant. Bravo, c'est en tout cas, genre. Juliette, pour ce score. Et bravo aussi pour ce que tu fais. Teddy vient de faire se tomber son portable. Peut-être qu'il est cassé. Non, c'est pas vrai. Il est jamais cassé. En tout cas, merci beaucoup d'être venue, Juliette, ce soir. Merci à vous. C'était avec grand plaisir. On est très heureux d'avoir pu savourer ta voix et j'espère que vous avez été nombreux à suivre aussi cette émission. Si vous avez raté le début de Juliette et de sa prestation et de toutes les musiques qu'elle a pu nous interpréter ce soir, eh bien vous allez pouvoir retrouver cette émission où sur Spotify ou sur Deezer ou plus simplement encore sur indestar.fr. Voilà. Et comment ça s'appelle le fait de pouvoir réécouter un podcast, voilà. C'est ça, ouais. Tu connais le Podiort? Oui. Tu connais le podcast? C'est pareil. Tu connais le pote? Tu connais le pote. Exactement. Et ben là c'est le pote du château. Donc podcast. Émission à redécouvrir bien entendu dès demain sur indestar.fr et toutes les applications. Merci beaucoup à Jonathan, à Hermance d'être venu. Mais nous non. Attends, j'ai pas fini. Non. À Daniel, il avait fini. Mais non. Il ment. À Daniel. À Kevin. Kevin. À Teddy. À Teddy. Bah, à Théo. On sent qu'il est obligé de tirer Teddy. Il est obligé. Et à vous d'avoir été présent ce soir. On se donne rendez-vous alors. Peut-être lundi prochain. Une grande chance. Ok, à partir de 20h. De toute façon, vous suivez les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram. On aura, une publication. Il y aura un petit post qui va bien. Et puis d'ici là, vous savourez les découvertes d'Indestar. Vous avez découvert Juliette ce soir. Et maintenant, vous allez découvrir, par exemple, un bootleg. Redécouvrir un nouveau truc. Par exemple, avec Dua Lipa. Ouais. Avec Lady Gaga. Ouais. Et Ariana Grande. Ça ensemble, fait trois grands noms quand même. Ça fait trois grands noms. Forever, Rain, One. Non, c'est Fever. Ah, c'est Fever qui est marqué. Ouais, Fever, Rain, One. Ouais, va falloir vraiment que j'achète des lunettes. Moi. Ouais, clairement. Parce que j'y suis Forever. Pas du tout. Ok. Eh bien, on écoute ce titre et on se dit bonsoir. Très bonne nuit à tous. Bisous tout le monde. Bonsoir tout le monde. Salut. Votez pour Teddy. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.